bien avec ton chip. Bigou. Elle est monstrueuse, celle-là. Le but de cette finale. C'est fini. C'est fini, Loulou Nicolas. Montpellier, René Girard, il se brise. Imagina, premier mot, premier mot. Ils sont champions de France. Regarde. Et où la bataille était le match. La bataille était le match, ce moment-là. On est les champions, putain! On est les champions! Bonsoir à tous et bienvenue sur Sport & Chill. Un réel plaisir de vous retrouver encore une fois chaque semaine sur Radio Campus Montpellier. Et ce soir, c'est notre émission, la sixième émission de cette saison 4. Déjà? Ouais, c'est déjà pas mal. La 97ème de l'histoire, même, je peux dire. Oh là là, il compte. Qu'est-ce qu'on fait à la top 100? Il va se passer. Ouais. Apparemment, il y a les danseuses qui vont venir. Hein, merci Romain de me mettre dans la merde. Voilà. Direct. Ce soir, nous allons parler donc pêle-mêle de Champions Cup, de foot et de Bundesliga. On a fait. On a choisi de faire l'impasse sur la Ligue des Nations. En tennis, évidemment, le Master Mills de Shanghai. Au handball, un peu de Champions League. Dans les autres sports, Romain nous en parlera tout à l'heure. Et moi, je parlerai ce soir des Jeux Olympiques de la jeunesse, car c'est un événement mondial qui j'adore la jeunesse aussi. Qui a lieu. Oui, j'adore la jeunesse. On va passer là-dessus. Voilà. C'est tout. Après, sur les sports montpelliérains, le bilan de la semaine est de 5 victoires, 0 match nul et 3 défaites. Et le débat d'aujourd'hui, c'est sur de la F1. Avec cette question principale: est-ce que les Français peuvent-ils se remettre à s'imposer sur les prochains Grands Prix? Donc on parlera peut-être à court terme, c'est peut-être l'idée principale de ce débat. Et enfin, la parole est au chiller, sera l'occasion de faire le dernier point cyclisme de l'année avec un petit retour sur nos Français, sur l'année de nos Français, notamment un certain Thibaut Pinot qui s'est imposé ce week-end. Voilà sur le programme de ce soir. Ce soir, j'ai une belle équipe avec évidemment toujours à ma droite le lieutenant Romain. Bonsoir Romain. Merci de ce titre. Bonsoir à tous. Ça te va bien, je trouve. Ça te va bien, le lieutenant. Je change de titre tous les. Chaque semaine. Tu vois, on fait comme RMC ou tu dis coach Courbis, coach Larquet. C'est lieutenant Romain. Ok, si tu veux. Allez, vas-y. Avec un côté un peu directif comme ça. À sa droite, il y a Alex qui est revenu ce soir avec nous. Merci Alex d'être avec nous ce soir. Bonsoir tout le monde. Et à ma gauche, il y a trois chillers. Il y a Max qui revient parce qu'évidemment, le petit point Formule 1. Bonsoir. Bonsoir à tous. Il y a Polo La Science, évidemment. Et bonsoir. Qui nous parlera de rugby, évidemment, avec son magnifique t-shirt Springboks Afrique du Sud. Il le remplit, ce t-shirt. Hein. Il respire pas le t-shirt. Ah ouais, sachez-le. Comme Polo Williams, c'est d'ailleurs. Évidemment, Tim qui est avec nous ce soir également. Pour salut tout le monde. Le petit DJ, le pronostiqueur ainsi que le rider, le séducteur, le un peu tout terrain de Radio Campus. C'est ça, le TTC, ouais. Allez, on passe tout de suite au résultat de la semaine. Faut le dire. Sport & Chill, les résultats. Et on va commencer justement avec Paul pour le point rugby. Et ce n'était pas du top 14, c'était de la Coupe Champions Cup. Ouais. Oui, tout à fait. La première journée de la Champions Cup, donc qui est la plus prestigieuse des compétitions européennes. Avec un 3 sur 6 pour les Français. Un samedi clean sheet et un dimanche, au contraire, complètement loupé de la part des clubs français. Surtout une équipe qui a impressionné. J'y reviendrai un peu tout à l'heure. Samedi. Donc on commence avec samedi, la victoire de Toulouse à Basse sur cette image qui nous a marqué. Mythique, ouais. Le prétentieux arrière de Basse qui en allant marquer ça acclame la foule, fait la bise à son collègue qui était dans les tribunes. Et puis t'as Médard qui arrive, qui vient sauver les siens et qui permet à Toulouse de l'emporter 22-20. C'est les rouflaquettes, ça fait tout. C'est les rouflaquettes qui ont conseillé de regarder l'image sur internet parce que les vraiment c'est rare de voir ça. Non, mais plus sérieusement, c'est Burns qui va pour aller marquer l'essai, qui n'a plus qu'à aplatir, qui va un peu dilettante, et puis Médard qui revient et qui tape dans incroyable. Qui tape dans la main, c'est un truc de fou. Autre victoire à l'extérieur, c'est le Racing qui est allé s'imposer à Clanecly grâce à un essai dans les derniers instants du match. Et puis Montpellier qui s'est imposé face à Edimbourg au GGL Stadium. On y reviendra tout à l'heure, mais c'était une bonne ils peuvent remercier leur bonne première mi-temps, parce que deuxième mi-temps, ils ont complètement subi les Écossais. Dimanche, c'est trois défaites pour les clubs français, puisque Castres a perdu à Gloucester. Lyon, pour son dépucelage en Coupe d'Europe, a perdu à domicile contre Cardiff 30-21. Et enfin, Toulon, qui s'est saboté à domicile à Mayol contre Newcastle. Ils ont eu 15 fois l'occasion de marquer. La fin de match, incompréhensible de gagner pour moi. On peut penser tout ce qu'on veut, c'est que les Toulonnais sont passés à côté. Il y avait une philosophie apparemment, ce qu'a confirmé Boudjelal, c'était tout ou rien. C'est-à-dire que soit on marque un essai, on gagne avec le bonus offensif et tout le monde est content. Ouais, c'était plutôt rien du coup. Soit on prend juste le bonus défensif et du coup c'est ce qu'ils ont fait. Bref, il y avait une occasion une pénalité qui était à 30 mètres légèrement sur le côté qui aurait pu permettre aux Toulonnais de passer devant. Ils ont préféré aller en touche et perdre la touche au final. Et ils mettent un drop sur le poteau aussi avec Trinduc. Avec Trinduc qui, malheureusement, loupe de peu le drop. Même si François Trinduc, pour moi, a fait son match, même si je suis pas forcément objectif, mais je trouve qu'il a été plutôt bon. Mais les deux buteurs ont été bons. En face, j'ai oublié son nom, mais il a 100% de réussite, il me semble. Ouais, le numéro 10, tu as raison. Ouais. Et puis il y a aussi la Challenge Cup, qui est la deuxième division de la Coupe d'Europe. Victoire de Clermont et La Rochelle. Clermont qui impressionne même en Challenge Cup, qui a gagné à Northampton, qui est quand même un sacré client. Et La Rochelle qui a mis plus de 80 points à une équipe russe. Mais défaite d'ailleurs de Paris, Perpignan, Grenoble, Agen, Bordeaux et Pau. Challenge Cup, le ratio un peu délicat pour les clubs français. Là... Et puis. Un quart de victoire, quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Un quart de victoire, tu as raison. Un quart de victoire, Et l'équipe qui a impressionné, c'est le Leinster qui a explosé les Wasps 52-3. C'était pour l'ouverture vendredi soir. 52-3. Les Wasps qui sont un des candidats, en tout cas aux phases finales de la Challenge Cup, mais qui s'est fait exploser à domicile face à la province irréductible du Leinster qui est championne d'Europe en titre. Ok, très bien. C'était le point rugby qui était un peu décevant du coup. 3 sur 6 pour les Français en Challenge Cup. En Champions Cup, pardon, Champions Cup. Et 2 sur 8 seulement en Challenge Cup. Les Français ont beaucoup déçu, notamment le Stade Français à domicile. Stade Français qui est sur une bonne dynamique en top 14, mais qui là est passé complètement à côté face à Worcester à domicile. Ouais. Très bien. On va passer au foot et on n'a pas voulu parler de Ligue des Nations qui est peut-être un camouflet de match amical. Peut-être on en parlera surtout en mai ou en juin quand ça sera les phases finales de Ligue des Nations. Oui. On en parlera à ce moment-là. On a pu parler de l'équipe de France aussi qui a fait un match nul. Au sens propre en effet. On a voulu parler puisqu'on a commencé sur les championnats, on a commencé sur la Liga puis la Première Ligue. Et on peut parler de la Bundesliga puisqu'il y a des choses à dire cette année avec un Bayern qui n'est plus vraiment au top de sa forme. Pas souverain quoi. Enfin c'est temporaire, c'est temporaire. Est-ce que c'est temporaire? Je t'en prie, sur la Bundesliga. Non mais alors concernant la Bundesliga, c'est vrai que si on prend les deux dernières journées, à savoir la 6e et la 7e journée, c'est vrai que le Bayern Munich a pris une gifle 3-0 contre le Borussia Mönchengladbach à domicile et ils avaient perdu 2-0 sur la pelouse du Hertha Berlin. Bon, après, à contrario, moi je trouve qu'il y a aussi des points positifs avec, par exemple, la première place du Borussia Dortmund, ainsi que la deuxième place du RB Leipzig, qui reste sur 3 victoires de suite. On a un Paco Alcacer qui a inscrit 6 buts, qui est en feu. Alassane Pléa, le talonne de près avec 5 buts. Je pense pour l'instant, s'il confirme, c'est une excellente recrue pour Gladbach. Après, faut aussi parler un petit peu fin de classement avec. En queue de peloton, je dirais le Bayer Leverkusen et Schalke 04 qui. J'arrive pas à Schalke. Hein. J'ai regardé quelques matchs. Ils ont gagné un match. C'est pas Schalke 04. Ils ont gagné un match. Si, c'est ça. Et par rapport à monsieur bilingue, je sens convectif. Ouais, j'ai fait allemand en 3ème année. Il est soufflé, quoi. Oui, mais bon. Je les ai vus sans idée. Après, je pense qu'ils reprennent un petit peu du poil de la bête. Faut voir. Après c'est sûr qu'ils ont mal débuté hein, mais bon si tu prends c'est le Bayern ça commence à faire quelques années qu'ils sont dans le dur quand même hein, bon, enfin l'année dernière ils ont fini deuxième hein, si je ne m'abuse en Bundesliga finir deuxième mais après, sachant que les six derrière toi ils sont le Leipzig a fini deux l'an dernier pour le coup, non, c'est c'était en 2017 Leipzig ouais. C'est Schalke qui a fini deuxième Schalke qui a fini deuxième ouais. Il y a plus Stambouli là-bas si il y a aussi comment il s'appelle l'ancien Nantais Vertu Amin Harit Ah oui, c'est ah oui, vrai, Harit, qui oui, fait, mais Harit qui est bon, on va dire, un coup, il. Un match sur problème deux, disciplinaire, quoi. On va dire aussi. Ouais. Voilà, Istanbouli, pareil, fait un match sur deux, il joue pas tout le temps. Donc, Salif Sané aussi. D'accord. Pour les amoureux de la Ligue 1. Un poète. Et pas le roi, hein, poète, et pas le roi Sané. Hein. Pas le roi Sané, non, non. Pas le même niveau. Non, non, mais après, oui, oui, moi je pense qu'il faut. Bon, après, concernant le. Enfin, je vais parler du Bayern parce que c'est quand même l'équipe phare. Concernant le Bayern Munich, pour moi, c'est un problème structurel. C'est-à-dire que, bon, il manque de profondeur de banc. Ils ont gardé Ribéry, Robben. Bon, 35 ans Ribéry, Robben 34 ans. Müller, ça fait deux ans qu'il met plus un pied devant l'autre. Ouais. Lewandowski, pour moi, il a plus vraiment la tête au club. Il a marqué que 3 buts depuis le début de la saison. Il voulait partir cet été. Il a raté le coche, ouais. C'est compliqué. Et ouais, puis, c'est quand même pris pour un autre aussi. Hein. Oui, mais oui. Comment ça fait la guerre au Bayern, hein. L'année dernière, déjà, il était un petit peu en difficulté. Mais après, autre problème pour moi, c'est la charnière. Parce que bon, Boateng, il est gentil, mais il est très lent. Il est très lent. Moi, j'ai vu le penalty qu'il a causé, qu'il a provoqué. Plutôt contre Hertha Berlin, c'est pas compliqué. Je pense qu'on aurait dit un sumo qui arrivait pour mettre un tacle. L'attaquant de Berlin, il a juste eu à pousser le ballon. Il a attendu. Et j'ai croisé samedi soir au FISA, il était dans la boîte. Il nous arrêtait. Là. Ah ouais, non, mais Vider, ça lui irait très bien. Non, et puis même Hummels. Nous voulons rien savoir de tes soirées, Montpellier. Vous en direz pas plus. Même Hummels qui a 31 ans et dans le dur, quand on voit que c'est encore la charnière de la Mannschaft, on comprend pourquoi ils prennent 3 buts contre des pales orange. Ouais. Mais et puis bon, quand vous voyez les remplaçants, c'est que c'est notre ami Niklas Zoule et Ravi Martinez. Ouais, c'est pas le niveau du Bayern. C'est petit problème. Quoi. Ouais. Et puis, notre ami, bon, Niko Kovac, il a fait de très bonnes performances l'année dernière avec l'Eintracht Francfort. Mais il joue en 4-3-3. Rames, du coup, il le met sur un côté où il le met en relayeur. Et c'est quand même pas son poste. Il y a quand même des noms, je te dis, il y a des noms. C'est quand même, ils gardent quand même un effectif de dingue, mais qui n'arrivent plus à jouer ensemble en fait. Ouais, non, dingue, enfin, oui, de non, dingue, je suis pas d'accord. Moi. Ouais, ils ont des effectifs plus. Non, plus faut, il faut régénérer, quoi. Tu vois, c'est ça, oui, c'est ça. Parce que c'est, après, c'est. Moulin, il le fait quand même jouer. Boateng, numéro 8, il a, Boateng, il a plus de 30 ans. 32, 30, je pense. Enfin, il va chercher 31, quoi. T'imagines là, tu tournes la page Boateng, Ribéry, Robben. Ribéry, Robben qui ont quand même. Ça va être dur de trouver des idées qui vont faire 35 ans. Ouais, mais puis qui ont marqué aussi les avec peut-être comment il s'appelle. Yacoman, ils ont Goretzka au milieu qui est un bon joueur. Tolisso est blessé malheureusement pour eux. Le problème c'est qu'ils font jouer Renato Sanchez. Et Renato Sanchez, bon, il est gentil, mais depuis qu'il est arrivé au Bayern, on se demande si c'est un joueur de foot Renato ou si Sanchez, c'est un mec qui. C'est le problème. C'est comme tous les joueurs qui ont réussi une bonne compétition. Oui, voilà, c'est ça. Trop tôt, quoi. C'est qu'il réussit une compétition, mais il ne réussit pas à durer sur un championnat, par exemple. Ah non, c'est une étoile filante. Pour moi, il a. Voilà, c'est le problème. C'est une étoile filante, c'est beau. Ouais, bah, c'est. Mais Boateng, honnêtement, notre ami, l'ami de Florian, José Mourinho, voulait le recruter et il y avait également le PSG sur le coup avec Tuchel. Franchement, le Bayern, ils auraient dû le vendre. Hein. Même à 30 millions, moi je l'aurais vendu. Hein. Mais largement. Ah, je l'aurais même amené en pédalo, hein, à traverser le Rhin. Renato ? Non, Boateng. Ah oui. Ouais. Boateng. Ah oui. Tu parles de Sanchez. Non, Sanchez, attends, je le donne. Boateng, il vaut pas 30 millions. Sanchez, ouais, il est encore jeune. Boateng, il vaut pas 30 millions. Ils en voulaient 50. Hein. Ouais. En tout cas, vous écoutez, je vais retenir qu'il y a un sumo et une étoile filante. Voilà. Non, mais. Et des vieux. Après, on revoyait surtout le jeu de Dortmund avec Lucien Favre qui, pour moi, c'est très propre. J'aimerais beaucoup qu'il soit champion. C'est plaisir qu'il y ait un Français qui brille. Si vous avez un petit billet à mettre, allez-y sur Dortmund. Yes. Allez. C'est un francophone. C'est lusophone. On finit sur ça, sur la petite piécette, petit pronostiqueur sur Dortmund. On verra bien cette année si le Bayern revient en forme. Ça risque de se faire tout de même. Ça reste un grand club. Oui, ils vont être dans les 4 premiers. Hein. Et on va passer nous au tennis. Deuxième, on va passer nous au tennis cette fois-ci. Et il y a eu un petit moment de creux dernièrement, mais cette semaine c'était Shanghai. Ouais, on arrive au peak time de la fin de saison. J'ai envie de te dire aux deux derniers Masters Mill qui vont être Shanghai et Bercy. Période un peu faste où qui sont dans le top 10, qui vont essayer de se qualifier pour le Masters, des Kevin Anderson, des Nishikori qui peut encore se qualifier, Cilic qui vont essayer de gratter les points. Il y a aussi l'ATP 500 de Bâle qui arrive et viennent. Et donc là, il y avait le Masters 1000 de Shanghai, où étaient engagés Djokovic et Roger, puisque Nadal est blessé. Il y avait également Del Potro qui s'est blessé durant ce tournoi. Et c'est le moment triste du tournoi, c'est qu'il avait déjà eu un problème au poignet, comme vous le saviez. Et là, il s'est blessé au genou. Sur une chute qui paraît anodine, hein, sur le coup il tombe vraiment lentement, mais apparemment c'est 4 mois, donc grosse blessure, donc pas de Masters pour Del Potro, donc a priori c'est Dimitrov qui prend la place. Non, Dimitrov, il est trop loin. Dimitrov, il est. Non, parce que Dimitrov. Il est 21ème à la race, Dimitrov. Ah oui, à la race, ouais. À la race, ouais. Complètement sur le classement. Il est dans le chou complet. Je pense qu'il peut-être l'accrocher, là, Grégor. du coup, ça libère deux places pour le Masters. Alors, ça peut faire les affaires d'un Nishikori, par exemple. D'un Nishikori et. Pas d'un Français. Et là, ils sont tous au-delà de la 20ème. Ouais, à noter la belle performance de Richard durant ce tournoi qui a fait. Quart de finale. Non, pardon, il fait 8ème de finale contre Del Potro. Ouais. 8ème de finale contre Del Potro, mais bon, il a gâché son match avec des balles de 7 dans le premier et dans le second. Il mène par exemple 6-2 dans le tie-break du deuxième set, et là il nous fait une Richie, il perd 8-6 au tie-break, quoi. Mais non, dommage. Mais il perd avec les honneurs. Il perd avec les honneurs, mais le voilà. Le roi qui défend son collègue. Son patrimoine. Mais ce qu'il faut retenir de ce. Deux choses pour moi à retenir de ce Masters 1000 de Shanghai, c'est un Roger qui a pas le rythme, en fait. C'est un peu la contrepartie de son choix stratégique de faire peu de matchs, finalement. C'est que sur un Masters 1000 où on doit jouer tous les jours de la semaine, au 4ème, 5ème joueur, contre des joueurs qui ont une grosse cadence, sachant qu'il a joué des joueurs qui jouent vite, Medvedev, Nishikori. Et Koric, ça joue pas vite, mais Medvedev, Nishikori, ça joue vite. Il est moussé physiquement assez rapidement, finalement. Et là, contre Koric, vraiment physiquement, il était pas là. Il y a l'âge quand même. Hein. À un moment donné, voilà, ça compte. Clairement, 37 ans. Et je peux t'assurer qu'un match comme ça, il y a peut-être même 2 ans, il le perdait pas. Mais sincèrement, faire une demi-finale à son âge, c'est beau. Ouais, c'est beau. C'est beau, mais. Je n'aurais pas parié sur une défaite contre Koric. Ouais, il lui reste plus que Bâle et le Masters. De toute façon, ce qu'il va faire. Il ne fera pas Bercy. Donc, faites pas la même erreur que moi l'année dernière. N'allez pas à Paris-Bercy pour aller voir Federer. J'ai revu la finale comme l'année dernière. La finale, c'est Sok Krajinovic. Oui. C'est compliqué quand même. Moi, j'avais vu Nadal, donc je suis plutôt content. Ça, c'est pas mal. Pour info, il a relancé le suspense sur sa possible participation à Roland-Garros l'année prochaine. Il a dit qu'il pourrait peut-être. J'y crois pas. Moi, honnêtement, il répond vraiment par politesse, mais j'y crois pas du tout. Oui, non. Ah bon ? Je crois pas du tout. Ça serait cool quand même. Ça serait cool, mais c'est trop. Je le vois pas y aller pour juste faire de la figuration. Ouais, voilà. Il sait que je pense qu'il peut pas faire mieux que quart. Encore un quart. D'accord. Romain ? Juste un petit mot, justement, sur Borna Koric. Pas forcément un joueur rapide, du coup. Mais. Il est très rapide. Ce que je veux dire, c'est qu'il joue pas vite. C'est un gros limeur. Pour le jargon tennistique, ça veut dire que c'est quelqu'un qui lifte beaucoup, qui va faire beaucoup travailler la balle. Voilà, on a même la précision technique. Merci. Vous voyez. Moi, je le sais, est finaliste de cet ATP de Shanghai contre Novak Djokovic. Et je sais que Tim, il y a une ou deux semaines, nous disait qu'il faudrait qu'on s'en méfie, justement, dans la perspective de la finale de Coupe Davis. Les choses se confirment. Ça va être compliqué. Borna Koric, grand espoir. C'est déjà son deuxième titre de la saison. Deuxième victoire sur Roger Federer, puisqu'il l'avait battu à Halle cette année. Et c'est un autre Balkan, du coup, qui s'est imposé. Enfin, un autre joueur originaire d'un pays balkan, Djokovic, le Serbe, qui vraiment là, qui revient bien depuis quelques mois. Ouais, on avait lancé le débat. Est-ce que Djokovic était revenu à son meilleur niveau? Moi, j'avais clairement dit que oui, il était vraiment sur le chemin et que il était pas loin. Et là, il est revenu à son meilleur niveau. Honnêtement, il a eu surtout le tournoi. Il est proche de la première place à la race. Ouais, il a. À là, actuellement, il a 35 points. 35 points. Ouais, bon, ça va le faire, pas de soucis. Ah, la race, c'est quoi la race? La race, c'est ce qui se passe sur une année. Ouais. C'est le classement en direct. Pas l'ATP. Si, c'est. C'est ça, voilà, d'accord, ok. Ouais. D'accord. Et du coup, t'as deux classements. Pour terminer sur Borna Koric, pour le master, dans le top 15, des jeunes qui ont moins de 22 ans, il y a Zverev, évidemment, Koric et Tsitsipas qui était le pronostic et qui a gagné contre Khachanov. Et qui perd sur Anderson, fatigué Tsitsipas. Mais Djokovic, vraiment impérial. Et voilà, l'objectif pour lui, ça va être de gagner le Masters. Parce que par rapport à son palmarès, finalement, il l'a pas gagné si souvent que ça. Et voilà, et s'il gagne le Masters, il est sûr et certain de terminer numéro 1 mondial. Donc là, c'est le dernier objectif pour lui. Très bien, on va passer sur les autres sports. Tu nous as choisi 3. Je glisse sur le pouce. La semaine dernière, j'ai envoyé un gobelet de pisse pour Caro Garcia. Et apparemment, ça l'a réveillé. Hein, c'est réveillé en sursaut, parce qu'elle a gagné Tianjin contre Carolina Pliskova. Voilà. Donc voilà. Comme quoi, ça réveille. à toi Romain sur les trois sports que tu nous as sélectionnés aujourd'hui. Oui, et puis je vous ai sélectionné des sports d'eau, hein, c'est l'actualité aujourd'hui. Donc du surf, hein, on n'est pas loin de pouvoir faire ça à Montpellier, non pas encore quand même. Donc il y avait, comme je vous l'avais dit, Narbonne sûrement. Hein. Oui, malheureusement. Ouais. Mais par contre, effectivement, on avait du côté d'Osgore, tout au long de la semaine, j'en parlais, une manche de surf importante du calendrier, sachant que c'est la manche du calendrier international qui a lieu en France. Le Quicksilver Pro France chez les hommes et le Roxy Pro France chez les femmes pour donner sponsor. Et c'était un jour de première avec la victoire chez les féminines de Courtney Conlogue, victorieuse donc dans ce tableau féminin. Et chez les hommes, la victoire de Julian Wilson, qui a donc gravé son nom ainsi au palmarès du Pro France pour la première fois de sa carrière. Mais c'est un surfeur qui est jeune, je crois, Julian Wilson. Qui est assez jeune, oui, mais ouais, next-gen, qui est plutôt justement un de ces surfeurs qui monte, qui réalise des performances. Il avait déjà remporté une manche cette année, je crois que c'était du côté de Gold Coast, si je me trompe pas. Oui, ouais, exact. Et il a 29 ans quand même. Hein. Ça reste jeune. Ouais. Un jeune qui non, vieille. Pas du tout next-gen. Ouais. pas particulièrement jeune. Mais plutôt jeune, par contre, je voulais dire, moi j'avais l'impression, donc j'avais même la même impression que toi, pardon, du fait qu'il apparaît avec des performances, en tout cas de ce niveau, que depuis récemment, de ce que je vois, mais par contre avec une certaine constance. Il a pas des grosses performances. De sa part. Et un beau parcours, effectivement, de Julian Wilson, qui a sorti notamment en demi-finale Gabriel Medina, qui redevient numéro 1 mondial et qui est une des références du surf mondial pour les connaisseurs, lors d'une série de très haut niveau, un des grands moments de ce week-end à Osgore, où il a scoré un perfect 10 pour les connaisseurs et où il a été longtemps en difficulté, mais il a pu renverser la situation face à Gabriel Medina. Donc belle performance de Julian Wilson qui l'emporte. Donc c'est sa deuxième victoire de la saison, ce que je vous disais, après Gold Coast, et il est ainsi troisième mondial, alors que les deux premiers sont Felipe Toledo, le Brésilien, et Gabriel Medina. Bon, de toute façon, le surf maintenant qui est dominé par le Brésilien, puisqu'il y a aussi Adriano de Souza qui est en général dans le top 5 et qui était champion du monde il y a 2 ans. Effectivement. Et côté français, par contre, un peu un triste week-end finalement. Enfin, ça se terminait juste avant le week-end, une triste semaine plutôt, avec l'élimination au round 2 de Michel Bourrez, qui perd 3 places et se retrouve 13e. Jérémy Flores est 17e et Johan Duru 33e. Une autre discipline dont je voulais parler, ça avait lieu la semaine passée, mais on n'avait pas eu l'occasion d'en parler, c'était le windsurf. Avec une performance d'importance, sachant qu'un Français, Antoine Albo, a remporté le titre mondial en discipline slalom, en terminant lors de la dernière manche à Sylt en Allemagne, à la deuxième place derrière Pierre Mortefond dans cette épreuve, et devant Matteo Iacchino, qui est son principal adversaire dans cette discipline. Pourquoi je vous parle de cette discipline? Déjà parce qu'effectivement, elle est méconnue dans la voile, en tout cas pour nous, et parce qu'Antoine Albo est finalement... contre toute attente, je veux dire, pour les gens qui ne le connaissent pas, le plus grand palmarès du sport français, sachant qu'il en est à son 25e titre mondial avec celui-ci. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc c'est considérable, comme quoi il y a des disciplines qu'on ne connaît pas forcément et où les Français performent. Il est ainsi donc le sportif français le plus titré de l'histoire, et il vient de rajouter ce dimanche un trophée de plus à son palmarès, enfin ce dimanche, donc le dimanche passé, pardon. Et donc le bilan des Français est assez positif pour ces mondiaux de windsurf, avec un titre mondial chez les hommes pour Albo, 3 podiums, Albo de nouveau en foil, Bosson en freestyle et Mortefond en slalom, un titre et un podium en slalom chez les femmes pour Delphine Cousin et Marion Mortefond. Donc sur les 13 dernières saisons, la petite stat justement sur ce fameux Antoine Albo, seuls 2 titres mondiaux en slalom lui ont échappé. Le gars est performant sur la durée, quoi. Plutôt sympathique pour Antoine Albo. Ensuite, j'allais parler de basket et tiens, d'un championnat dont on parle que très rarement. J'ai décidé avant le démarrage de la saison NBA, vous le savez, de parler du basket français un petit peu, et donc de la Pro Jeep Elite. Ou Jeep Elite, avec un match un petit peu important justement pour les connaisseurs de Pro A, Strasbourg-Limoges, qui est un classique qui avait lieu ce week-end. Ce sont deux des demi-finalistes de l'an passé, mais qui ont mal débuté cette saison, et c'est Strasbourg qui a finalement réussi à l'emporter, et assez facilement, face à un CSP Limoges assez décevant, 81-61 1 pour le score final. Avec 17 points, Ali Traoré a été meilleur marqueur de la rencontre et visiblement le joueur à suivre côté strasbourgeois. Au classement, c'est par contre une situation difficile pour le club du Limousin, sachant que Limoges rétrograde à la 14e place, ce qui les met assez loin pour le moment de la qualification pour les playoffs, pardon. Mais bien sûr, nous sommes seulement à la 5e journée, donc en début de saison. Et nous avons du coup une Jeep Elite avec un format un petit peu différent de ce qu'on avait par le passé, sachant que nous avons 18 équipes cette saison. 18 équipes et l'ASVEL pour le moment, l'ASVEL, un des plus grands palmarès du basket français. Villeurbanne qui est en tête devant Dijon et Le Mans, ferme la marche aux 17 et 18e places, Force sur Mer et Antibes. Très bien, voilà, c'était trois sélections de cette semaine. Moi, je passe aussi à un sport dont on parle, enfin un sport, une discipline dont on parle peu, puisque ça fait depuis quelques années que ça existe. C'est les Jeux Olympiques de la Jeunesse qui ont lieu en ce moment en Argentine, à Buenos Aires pour les spécialistes espagnols, pour les LV2 espagnols. Je parle un peu de ces Jeux Olympiques. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça vise à rassembler donc les jeunes âgés de 15 à 18 ans sur l'ensemble de la planète. Évidemment, le programme des sports donc repose sur celui des JO classiques, avec 28 sports empruntés aux Jeux d'été. Il y a déjà eu 4 éditions des JOJ: Singapour en 2010, Innsbruck en hiver évidemment en 2012, Nankin en 2014, Lillehammer en 2016 et donc Buenos Aires en 2018. À noter que les deux prochaines éditions sont connues: Lausanne en 2020 pour les Jeux d'hiver et Dakar au Sénégal, donc première fois en Afrique, en 2022. Il était important d'en parler puisque c'est un événement qui devient plus que mondial, de plus en plus important, et c'est une véritable réussite. Si vous avez vu peut-être quelques images de là-bas en Argentine, avec une foule très importante et un public aussi important, ouais, aussi important qu'au final sur les Jeux, peut-être pas autant, mais avec un bon remplissage dans les stades. Quelques chiffres justement: 206 nations qui sont représentées et qui représentent au moins un ou une athlète. Les plus gros contingents sont évidemment l'Argentine avec 141 athlètes et la France. Et la France qui est deuxième avec 99 athlètes. On voit des nations plus portées sur la jeunesse comme la Hongrie, qui est une des nations qui a le plus de contingents. Merci Robert. D'autres moins intéressés avec les Royaume-Uni, avec seulement 43 représentants. C'est pour vous dire, c'est un peu la même chose que la Biélorussie sur ces jeux de la jeunesse. Ouais. Donc c'est un peu surprenant. Au niveau des épreuves, quasiment les mêmes que sur les jeux d'été, avec quand même quelques spécificités. Il y a notamment donc du futsal, du basketball à 3, de l'escalade, du breakdance, du beach handball, du kitesurf ou encore une course de cross-country en athlétisme. Donc voici quelques spécificités sur ces Jeux Olympiques de la jeunesse. Tim, je te vois bien sur breakdance un peu, non? Ouais. Écoute, j'avais fait 2 ans, ça avait pas mal plu. Allez, mets le dance floor un peu. Et la plus grande différence entre ces Jeux Olympiques et les Jeux Olympiques de la jeunesse, c'est la participation d'équipes mixtes dans certains sports collectifs. Alors soit des équipes mixtes entre pays, donc c'est-à-dire qu'on peut faire des compétitions une Française et un Espagnol d'ailleurs, qui ont gagné une médaille d'or je crois hier en tir à l'arc, oui. Ou même de sexe, donc hommes et femmes, justement le même exemple. Ces spécificités visent à favoriser les échanges entre athlètes et à encourager la découverte et le partage avec autrui. Voici la phrase, la phrase du CIO. À noter donc au classement pour le moment, j'ai noté ça hier, donc dimanche soir, la compétition finit jeudi pour info. Les premières places des Russes, loin devant les Hongrois justement, qui avec un gros contingent sont deuxième. Et la troisième place est prise par justement les équipes mixtes de différents pays. La France est un peu décevante, contrairement à la taille de son contingent, avec une 11e place entre l'Australie et l'Ouzbékistan, avec de nombreuses médailles. Je crois qu'ils étaient à 16 aujourd'hui, mais très peu de médailles d'or, à savoir 2 seulement, ce qui fait qu'au classement, ils sont un peu loin. Et au niveau des résultats, j'en ai pris certains. On peut parler... Pêle-mêle, quoi. Pêle-mêle, un peu. 5 médailles de bronze, 7 en argent et 2 en or. Le bronze, donc, notamment avec Lila Touyi, une jeune championne de 18 ans qui prend le bronze en 50 mètres d'eau en natation. Un résultat d'autant plus satisfaisant qu'elle s'entraîne au Krebs de Font-Romeu, donc qui est de la région. Tout comme Emma Riff, qui prend la médaille d'argent en pentathlon moderne sur ces Jeux, qui est également à Font-Romeu. À noter les belles performances du tennis français, Avec le bronze du double mix Hugo Gaston, qui est aussi de la région qui s'entraîne à Toulouse, qui est maintenant de la nouvelle région du coup Occitanie, ainsi que donc le double mix avec Clara Burel en double mixte. Je le dis, cette dernière donc a pris la médaille d'argent, Clara Burel en simple féminine, et Hugo Gaston qui était porte-drapeau a pris le bronze avec Clara donc en mixte, le bronze en double masculin avec Clément Tabur et la médaille d'or en simple masculin contre un Argentin d'ailleurs. Donc contre un Argentin, donc une des belles performances en tennis. Alors c'est absolument rien à voir au niveau du niveau. Ouais. J'ai regardé un peu des points. Alors c'est évidemment jeunes, hein. Voilà, c'est on est à des années-lumière du niveau mondial aujourd'hui, mais c'est évidemment une bonne performance de la part des Français. Ouais, après, voilà. C'est clairement surtout des Jeux Olympiques justement qui sont dans la perspective des JO 2024. Bien sûr. Je dénie pas ça, je critique pas. C'est juste que voilà, c'est vrai qu'on voit je relativise le truc en disant voilà. C'est bien parce que Clément Tabur ou même Hugo Gaston sont déjà des qualifiés pour Roland Garros. Et ça reste très spectaculaire, évidemment. Ouais, ça leur donne la confiance aussi. Bien sûr, tu veux dire que Hugo Gaston perdrait encore contre Richard Gasquet. Je pense pas jusque-là. Sur les autres résultats, très rapidement, il y a aussi la voile qui remporte pas mal de médailles. 3 médailles d'argent avec Poema Newland, qui est aussi de la région, ou encore Manon Pianazza. Voilà, c'est un peu les résultats de cette semaine. Ça finit. Ouais. D'ailleurs, juste pour Tim et Paul, je sais qu'on a fait une médaille d'argent en breakdance. Donc, visiblement, il y a de la performance. Comme en quoi, France, quoi en breakdance. Voilà. Deuxième, du coup, chez les masculins. Le point sur ces jeux de la jeunesse. Ils sont beaucoup trop renseignés. J'ai un certain réseau social qui me fait passer des vidéos étonnantes. Ce qui est bien, c'est que ces jeux sont médiatisés quand même par France Télévisions cette année, il faut le dire. Même sur les sites des Jeux Olympiques. Cependant, il y a un problème d'information quand même. Très compliqué de trouver l'information et les résultats de ces jeux de la jeunesse. Il y a des détails. Il y a une imagination, mais il y a un mauvais retour par la couverture médiatique. Je suis impressionné, tu as 206 pays représentés. Ouais. C'est un truc de dingue. Ouais, 3600 athlètes. Donc, c'est sur le même format que les Ça ressemble aux JO normaux. Il faut regarder la cérémonie d'ouverture dans les rues de Buenos Aires. C'est quand même impressionnant la foule qu'il y a. Non, mais c'est bien qu'il y ait un engouement comme ça pour les jeunes et tout, c'est cool. D'ailleurs, pour les chillers, Buenos Aires, très sympathique. Ok, t'es déjà allé ? Non, mais de ce que j'en sais. D'accord. Je vous conseille de bons bails. Je me suis dit, on va recevoir une enveloppe avec une invitation à partir, je sais pas. Voilà le point sur ces jeux qui se terminent, on le rappelle, jeudi. On en parlera dans l'agenda en fin d'émission. On va négocier avec Radio Campus. On va peut-être pas parler de handball parce qu'on n'a pas le temps et c'est pas primordial. Et on va passer sans plus tarder au sport montpelliérain. Sport and Chill, le sport montpelliérain. Sur le sport montpelliérain, il y a le MHSC qui n'a pas joué évidemment parce qu'il y avait la trêve en Ligue des Nations. Et quant au MHSC féminin, est-ce qu'on peut dire que c'est une défaite encourageante ? Est-ce qu'on a le droit de dire ce mot, une défaite encourageante ? Je sais qu'il y en a, ils n'aiment pas ce terme. Sûrement parce que le MHSC féminin, qui a fait un début de saison catastrophique, on le rappelle, mais qui est proche de prendre les points à Lyon, en s'inclinant malheureusement 2-1, donc à Lyon à l'extérieur, c'est Gauvin à la 72e qui réduit le score pour Montpellier, qui a marqué d'ailleurs le seul but. Et c'est Jesse Fishlock et Eugénie Le Sommer, évidemment, pour Lyon, qui ont marqué les deux buts des Lyonnaises. Un MHSC qui a défendu tout de même à 5 pendant tout le match pour essayer de prendre des points, mais l'OL était toujours dessus. Au classement, l'OL est évidemment premier de D1 et le MHSC pointe à la 10e place sur 12 avec 4 petits points. Les filles recevront donc samedi Metz qui est avec Rodez, les deux seuls clubs à n'avoir aucun point pour l'instant. Donc une bonne opportunité pour enfin lancer leur saison. Le MHR, cette semaine, on a parlé très rapidement tout à l'heure, qui a affronté Édimbourg en Coupe d'Europe. Ouais, donc victoire 21-15, je crois que vous y étiez en plus au match. J'y étais, pas moi, mais. Première mi-temps très intéressante. Où les Montpelliérains ont montré de belles choses, ont même largement dominé les Écossais, en tout cas dans la densité physique. Bon, ça fallait s'y attendre de toute façon. Ça c'est normal. Ouais. Après en deuxième mi-temps, c'était quand même bien plus compliqué. Verne Cotter l'avait dit en conférence de presse en milieu de semaine. Les Écossais ont l'habitude à 40 minutes de temps de jeu effectif. Donc temps de jeu effectif, c'est le temps de jeu sans les arrêts de jeu, etc. 40 minutes, c'est énorme. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, en France, c'est 32 minutes, top 14. Et du coup, c'est ce que craignait Verne Cotter, c'est ce manque de rythme. Et on l'a complètement senti en deuxième mi-temps. On voyait que les Écossais étaient beaucoup plus dans le jeu à la fin que les Montpelliérains qui ont failli récupérer, qui ont failli décrocher bonus offensif, mais ça aurait été un vol parce que tout le deuxième mi-temps ils subissent et pic à molle. Pour moi, doit y aller 15 fois d'ailleurs. Intercepte le ballon et se fait reprendre à 1 cm de la ligne. D'ailleurs, sur cette action, j'ai trouvé extrêmement lent. Je sais pas s'il était émoussé physiquement. Alors, pic à molle, il est lent de base. Ouais, je crois qu'il est lent. Et puis surtout, en fait, il a le ballon. Il tient son ballon côté défenseur. Je te jure, s'il met son ballon de l'autre côté, il peut au moins faire un affût, il peut pas le tirer avec l'autre main. Là, si tu veux, il est bloqué. Ouais, bon, bref, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, les Montpelliérains peuvent remercier cette première mi-temps où ils ont été entreprenants, ils ont montré de belles choses et ça a été récompensé par des essais d'Immelmann, Fall et Ngandébé. Fall qui a marqué un bel essai en solitaire. Et c'est de bon augure aussi pour l'équipe de France parce que les Montpelliérains ont plusieurs cartes à jouer pour l'équipe de France. On a Benjamin Fall qui pour moi est quasi sûr d'être en équipe de France. Louis Picamol qui a priori devrait revenir en 8 parce que Tolène blessé, parce que Olivon peut-être fin de carrière et parce que les autres 8 actuellement comme Gourdon, Sanconi, après Jordan Joseph est encore un peu jeune. Je pense que Picamol a ses chances de jouer en 8 là, c'est pour la tournée de novembre. Et on a aussi Louis Picamol, Paul Williams, le deuxième ligne qui pourrait être dans la liste de Jacques Brunel. En tout cas, son nom est de plus en plus pressenti pour disputer les têtes de novembre. Il est sud-africain, un petit peu. Il a maintenant le passeport français. Enfin, depuis qu'il est arrivé en France, il dit qu'il veut devenir français, il veut porter le maillot de l'équipe de France. Depuis qu'il est à Grenoble. Donc il a fait tout ce qu'il faut, je crois, pour être sélectionnable, même au niveau de ses performances. Hein, ça reste quand même un deuxième ligne relativement costaud. Bon, je pense qu'il peut faire du bien à l'équipe de France, mais il est sud-africain. Ça revient à l'éternel débat. Pour le coup, c'est même pas une réaction, c'est une petite info en bref aussi, pour ceux qui n'ont pas forcément vu le côté montpelliérain. Des signatures à venir pour la saison prochaine pour le MHR avec la Guirado. De la signature du capitaine Guillaume Guirado. Cadeau empoisonné un peu. Et puis la signature aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu aujourd'hui, très probable du demi de mêlée de l'Union Bordeaux-Bègles et international également, Baptiste Sorin. Ouais. Okay. Voir si notre cher Benoît Payog ne serait pas mis sur la touche. J'ai des infos concernant Baptiste Sorin. Il demande 40 000 euros par mois la première année et 50 000 la deuxième année. Ouais. Et par rapport à un nombre d'idées au rugby. Et Altrada serait un peu réticent à cette idée-là. S'il est à 50 000 euros, ça ferait un des mieux payés du championnat. Ouais, okay. Voire peut-être. Fait partie en tout cas des mieux payés. Et je pense pas qu'à l'heure de. Tu nous dire qu'il y a une petite pastèque, le Serein, là Pour moi, complètement. Là, là il les vaut pas 50 000 euros. Antoine Dupont, les vaut. Peut-être. Monsieur. À la limite. Vous confirmez. Mais là, pour moi, non. Très bien sûr. Affaire à suivre. Affaire à suivre en effet. On va continuer sur le MHB qui sera sur ce week-end en championnat en allant s'imposer à Ponto 30-26 qui n'est pas compliqué tombé d'ailleurs. Ouais, c'est pas compliqué mais qui n'est pas tombé dans, tout de même dans le piège du promu. Qui n'est pas tombé du pont quoi. Super. Je sais pas quoi dire. Non, justement, on a connu le MHB face à des promus beaucoup plus conquérants. Donc c'est un peu inquiétant de les voir gagner que de 4 points seulement. Cependant, petite défaite d'un point, mais grosse défaite dans le cœur, on va dire. Ce week-end à l'Arena face à Veszprém, le club hongrois. Ouais. 30-29, j'y étais avec Yacine. Un match qui a plu pour les supporters montpelliérains, qui ont l'habitude de voir Montpellier depuis ce début de saison galérer, qui ne m'a pas plu à moi, un peu déçu, même très déçu du jeu de Montpellier. Surtout, c'est, de ce que j'ai compris, les gardiens n'ont pas été à la hauteur. Les gardiens n'ont pas été à la hauteur puisque. T'as un manque d'efficacité aussi à la fin. Puisque Portner commence le match, il fait zéro arrêt. Légitimement. Oui, il fait aucun arrêt. Vincent Gérard arrive, fait deux arrêts en deux minutes, et puis après plus rien. Et Portner revient, fait pareil, fait quelques arrêts en toute fin, mais c'est très léger. Ouais, il manque Guigou, Trichanovicius, Simonet, Valentin Porte, il est plus. Ouais, et Gérard a déjà sa tête à Paris. Donc, on peut pointer plus, le. Le Regas non plus. Non, sur ce match, on peut pointer le fait que en face, il y avait un gros gardien qui a sauvé Veszprém. Parce que Veszprém, certes, c'est un gros club du hand européen. Ils ont fait un match très moyen également. Donc le score est mérité, mais c'est parce que les deux équipes ont mal joué pour moi. Autant Montpellier, on peut parler des blessures, mais il faut commencer à voir dans le jeu aussi, dans l'intensité du jeu. Par rapport à l'année dernière, même pas forcément en fin de saison, mais même en début de saison, il y avait quand même une intensité beaucoup plus haute l'année dernière. Là, on a vu, exemple tout bête, le capitaine Valentin Porte. Il est pas du tout depuis ce début de saison. Il a peut-être fait un match, mais il est pas du tout, et encore moins sur ce week-end-là. Est-ce qu'il a pas trop la pression de ce capitaine-là, justement, peut-être, parce qu'il est devenu capitaine? Et est-ce que le retour de Michael Guigou lui fera peut-être un peu de bien? Peut-être aussi. Et je pense que Guigou est très important pour le groupe. En effet. Malheureusement, la seule recrue du MHB, qui est Frédéric Petersen, n'est pas pour l'instant assez efficace pour Montpellier, ou pas assez pour le standing du club montpelliérain. Donc voilà. Cette semaine, petit point rapide sur les MHB toujours, c'est la direction du Super Globe. Donc c'est la Coupe du Monde des clubs au handball. Évidemment, ça se passe où ? Au Qatar. Qatar, mais qui n'est pas le bienvenu pour Montpellier, je pense. Et donc le premier quart de finale, ça sera contre Hammamet, c'est le quatrième de la Ligue des Champions d'Afrique. Alors pourquoi pas le premier, je ne comprends pas. Ouais, j'avoue que les clubs tunisiens. À noter donc les différents clubs de ce super globe: Al Saad, donc au Qatar, qui est évidemment le club hôte, Barcelone, tenant du titre, Al Najma, qui est du Bahreïn, vainqueur de l'Asie, le MHB champion d'Europe, le Handball Club Taubaté Brésil et champion d'Amérique, l'Université de Sydney champion d'Océanie, et Fouché Berlin, la wildcard, et champion de la petite coupe d'Europe au handball. Je demande d'avoir le niveau en Océanie dans handball, quoi. Et je pense pas que ça fera du bien à Montpellier, cette compétition. Ça va les fatiguer, ça. Non, je pense qu'ils vont mettre pas une équipe bis, mais ça sera ne serait-ce que le voyage. Ça permettra de faire jouer les jeunes, et ça, c'est bien pour ça. Faire tourner. Ouais. En rugby féminin, victoire 27-12 du MRC face à l'AS Romagna. Et c'est de Andrea Martial Fantine Bacine Bacice, je sais pas comment on le prononce. Kéliche. Et comme chez les garçons, et c'est aussi du pack des avants en deuxième mi-temps. On sait que c'est une spécialité montpelliéraine maintenant. 3 victoires en 3 matchs pour le MRC. Aucune inquiétude pour l'instant pour les championnes de France en titre. En futsal, victoire plus à l'arraché, 5-4 contre le Plaisance AC. On ne peut pas mettre des 10-2 tous les week-ends. Hein. Non, en effet. Une quatrième victoire tout de même en 4 matchs pour le MMF, malgré plus de difficultés. Sur ce match, j'avais annoncé, autant pour moi, un match contre Kingersheim, mais je me suis trompé. Donc c'est un match contre l'Est Plaisance. Et Kingersheim, ça sera la semaine qui arrive. D'ailleurs, c'est les deux seuls clubs qui n'ont toujours pas perdu dans ce groupe B de D2. Et donc ça sera le samedi 20 octobre à 16h. Les Vipers, défaite malheureusement des Vipers, 5-1 contre Briançon. Malheureusement, soirée difficile pour nos Montpelliérains. Seul but de Cubus dans le troisième quart-temps pour les Montpelliérains. Un match qui va malheureusement être symbolique d'une saison compliquée, je le pense. Il va falloir s'accrocher. Pour l'instant, les Vipers sont 12e. Et les deux qui suivent, qui sont derrière les Vipers, sont les deux aussi qui ont été promus, comme les Montpelliérains, à savoir Marseille et Chambéry. A noter que nos Vipers affronteront les Belugas de Toulouse en 16e de finale de Coupe de France. Une chance pour les Vipers de prendre une D2, en sachant que la Ligue Magnus est entrée en jeu dans ces 16e de finale. Toulouse, donc une vieille connaissance, puisque c'est les deux clubs qui s'étaient affrontés en finale d'accession l'année dernière. Prochain match contre Neuilly-sur-Marne cette semaine. Un point boxe et un point chroniqueur, puisqu'on avait accueilli plusieurs fois Sylvain Chapelle, qui était un de nos chillers pour boxeur l'année dernière et l'année d'avant, qui boxait ce week-end contre Farouk Kourbanov, champion de l'Union Européenne. Une défaite, mais une très belle prestation de Sylvain. La réaction de son coach Daniel Barry, qui dit donc: très bon match, très bon premier round pardon, de Sylvain. Les reprises suivantes sont à l'avantage de son adversaire, qui travaille plus vite. Les 6 et 16e et 7e reprise sont très équilibrées, et la 8e est largement pour Sylvain. Le verdict est logique, mais très encourageant pour notre pugiliste, qui a les moyens, si sa préparation est adaptée, d'être champion de France cette année. D'accord, bien. Un combat prometteur, là. En effet, prometteur face à champion de l'Union Européenne. Donc, ouais, donc voilà. Personne de renom, quoi. Donc c'est un combat peut-être. C'était un combat en Belgique, loin d'ici, malheureusement, mais pour dire que le combat était apprécié. Le BLMA, reprise du championnat victoire, de basket féminin. Et victoire 85 à... Non, BLMA, c'est les Gazelles. Ah oui, c'est le MRC. C'est vrai, victoire 85 à 69 du BLMA face à Nantes pour son grand retour en championnat. Une victoire qui fait du bien pour débuter la LFB par rapport à une saison dernière assez compliquée. On fera un focus très bientôt, peut-être la semaine prochaine, pardon, sur le BLMA. Et enfin, notre focus justement de cette semaine, c'est le volley. Et le retour aussi du volley cette année. Avec, après une série de matchs amicaux bien maîtrisés par les hommes de Olivier Leca, l'heure est venue de s'attaquer aux choses sérieuses. Avec donc, c'était ce vendredi, l'ouverture de la saison et la réception de Narbonne et une victoire 3-7 à 1 contre Narbonne. Lévy Cabral avec 21 points termine meilleur marqueur de la rencontre. On va parler de, donc, du club, c'est le MCVUC, c'est encore changé de nom cette année, du nom donc, de Montpellier-Castelnau-Volley Université Club. Le président donc Jean-Charles Kaylar promet une année riche en spectacle avec l'arrivée de plusieurs nouveaux joueurs internationaux. Deux sud-américains, c'est pour ça, donc Lévy Cabral, donc le meilleur marqueur de la rencontre, ainsi que Javier González, deux joueurs athlétiques au contrat ravageur. Et côté chiffres, on note l'arrivée, 9 arrivées et 6 départs, dont un prêt à Ajaccio. L'objectif du club cette année, même si le président ne le dit pas clairement, le club vise tout de même le dernier carré du championnat français, une ambition qui est jouable avec les arrivées que Montpellier a enregistrées. La mission ne sera pas simple évidemment avec Tours, Chaumont, Tourcoing, Rennes ou encore Poitiers qui veulent aussi s'inscrire dans la course aux playoffs. Les deux autres objectifs, vous l'aurez compris, c'est d'instaurer le spectacle à Montpellier, ce qu'a promis le président, mais c'est surtout de ne pas oublier le centre de formation qui reste prédominant pour Montpellier. L'arrivée de Benjamin Diaz, le libéro, ou encore de Maxime Hervoir, qui revient tout droit d'une université américaine, donne cette idée que le club veut garder une équipe résolument jeune cette année. On souhaite donc une bonne saison au MCVUC. Voilà, c'est dur à prononcer quoi. Espérer surtout à aller chercher le dernier carré puisque ça fait un petit moment que le volley n'y était pas arrivé en championnat. Voilà pour le point Montpellier-Rhin. On passe à notre première pause musicale avant d'entamer le débat tout de suite après. C'est Doppelgangers. Smoke Mix. Ouais. On est sur du rap chill qui correspond. Qu'est-ce qu'on avait dit, Flo ? On laisse Tim annoncer les pauses musicales. Il met toujours des titres compliqués. Ah, moi, j'y arrive pas. Hein. Allez, on se retrouve à tout de suite. It's just a good beat. To the point we lightheaded. Doppel take flame to your name, quite wretched. Puff them like a cigar for one night sessions. One slight question, how we gon' smoke mics? Yo, we smoke mics to the point we lightheaded. Doppel take flame to your name, quite wretched. Puff them like a cigar for one night sessions. One slight question, how we gon' smoke mics? Yo, we smoke mics like your mom smokes dicks. Everyday habit for the wench. Allow me to quench lyrical thirst. Your hearing was parched, so I impart miracles first to tear you apart. Spark a light, burnish all mic, endure granulation, and keep it with the core to ensure strangulation. How many MCs could flame a mic stand? To the point that this white man will burn into a slight tan. Gripping tight right hand, callous ridden palms. Living like tripe damn, phallus ridden moms. My habits of Milan, all my habits in the US. Scorch a mic off a quite foolish, grotesque, gruesome, twosome, the two best, loose lung, who done? Dropped about a 2-ton deuce from the minute of an exhale, get burnt to debris. Timid from the best ale and learn from the feet. Ayo, we smoke mics to the point we lightheaded. Doppel take flame to your name, quite wretched. Puff them like a cigar for one night sessions. One slight question, how we gon' smoke mics? Yo, we smoke mics to the point we lightheaded. Doppel take flame to your name, quite wretched. Puff them like a cigar for one night sessions. One slight question, how we gon' smoke mics? Ayo, I got a hairy tongue and my face has grayed. From years of smoking mics, lung blacker than the ace of spades. Till I wither and waste away. Fucks with E cause he gives me free beats and a place to stay. Good deeds, the rap lords know. Fucked up his wardrobe, helping this man pop star this Ford Probe. Never told in the calf when I hurled the slice. Yo, I even pressed a nigga for some girl advice. Like, yo, E, I feel weird asking y'all, but would you fornicate with a steel-haired acetal? Yo, wonder find a face, the grass was tall. A beard rougher than the game of wheelchair basketball. He paused, put down his glass and all, and replied in a subtle tone, matter of fact, smash it raw. My man, you'll be an ass in stall. When you're done, pass me the math so I can get the last of call. Hey, yo, we smoke mics to the point we lightheaded. Doppel take flame to your name, quite wretched. Puff them like a cigar for one night sessions. One slight question, how we gon' smoke mics? Yo, we smoke mics to the point we lightheaded. Doppel take flame to your name, quite wretched. Puff them like a cigar for one night sessions. One slight question, how we gon' smoke mics? De retour sur Sport and Chill, c'était donc Tim. Quel était ce titre? C'était Doppelganzas, Smoke Mix, un groupe, si je ne m'abuse, anglais qui fait du rap et que je vous conseille d'écouter. On passe tout de suite au débat. Sport and Chill, le débat de la semaine. Et le débat de la semaine, c'est sur la Formule 1. Et c'est Romain qui a préparé ce sujet avec ce soir des spécialistes, hein, quand même. Ouais, en tout cas, on a des, plus que des amateurs. Hein, on a des passionnés de F1, hein. Ça on peut le dire. Je des sais vrais que, pilotes. Hein. Je sais que Max n'aime pas forcément pilote, dire spécialiste, hein. Mais bon, il nous a prouvé déjà hors antenne qu'il serait difficile à aller chercher sur le quiz. En effet. Du coup. Quand c'est plus quiz, ça parle chinois. Hein. Je lui mets la pression d'avance. C'est ça. Hein. Donc, un débat F1 ce jour, hein, et qui est en live comme toutes nos semaines maintenant, avec pour thème aujourd'hui, ben, nos Frenchies un petit peu, hein, et une question qui va nous occuper durant les 25 prochaines minutes, c'est: les Français peuvent-ils se remettre à gagner les Grands Prix en Formule 1, alors dès cette fin de saison on verra, mais surtout dans les saisons à venir et pourquoi pas dès la saison prochaine. Alors, en guise de petite intro, on a une saison 2018 du coup maintenant qui amorce sa phase finale avec les derniers Grands Prix des États-Unis, du Mexique, du Brésil et d'Abu Dhabi, donc ça laisse 4 dernières petites chances. On en parlera avec un Lewis Hamilton toujours plus près du titre de champion du monde des pilotes, mais nous avons eu l'occasion surtout cette année de profiter de la présence de 4 Français, et ça faisait bien longtemps que ce n'était pas le cas, si on intègre bien sûr Charles Leclerc qui est monégasque, hein, mais je pense qu'on peut se le permettre. Oui, hein. Il se remet comme français. Dans la catégorie Rennes, cela faisait donc bien longtemps que la France n'avait pas été si bien représentée en F1. On a eu quelques résultats encourageants, on peut le dire, pour Esteban Ocon, Sébastien Grosjean, Pierre Gasly et Charles Leclerc. Romain. Mais... T'as redit Sébastien Grosjean. J'ai dit deux fois Sébastien Grosjean. Moi aussi. Ça va mal. Ouais, moi aussi, Charles Grosjean, la semaine dernière. Et que j'ai pas fait l'erreur dans mes recherches, alors j'aurais pu tomber sur un tennisman sur notre ami Google, mais j'ai fait l'erreur en l'écrivant, ça ne va pas. Aucun pour autant ne sont montés sur la boîte en 17 GP cette saison, où la suprématie notamment des écuries Mercedes, Ferrari et Red Bull a fait rage, surtout Mercedes d'ailleurs, largement en tête du classement des constructeurs encore cette saison. Et lorsqu'on sait finalement l'importance en F1 de disposer d'une monoplace performante pour tenir la distance et aller remporter des grands prix, est-ce qu'on peut finalement, je vous le demande, légitimement espérer une victoire française dès la saison prochaine ou les suivantes, sachant que cette victoire est attendue maintenant depuis plus de 20 ans? Donc tout simplement, ma première question, c'est qu'est-ce que vous pensez un petit peu de cette génération des pilotes qui arrivent pour la France, et est-ce qu'on peut avoir des espoirs légitimes dans les prochaines saisons? La génération, c'est la meilleure depuis très longtemps, ça c'est sûr. Après, niveau victoire, Leclerc, oui. Sur Ferrari, Gasly sera plus compliqué, mais Leclerc, c'est sûr qu'il va se battre pour les victoires. Je pense sincèrement qu'il en aura une, au moins une. Gasly, on peut rappeler où il parle. Gasly chez Red Bull. Petit bémol sur Red Bull, c'est qu'il change de motoriste. Il quitte Renault après quasiment 15 ans de relation, de succès majoritairement. Et on ne sait pas trop ce que va donner le partenaire avec Honda, qui est très décrié. C'est pour ça que Gasly, c'est un peu plus compliqué pour pronostiquer une victoire. Ce sera beaucoup plus compliqué, même. À part si le moteur Honda se révèle. Mais... Ouais, après, ouais. Grosjean, moi j'y crois pas. Grosjean, non. Il se battra pour. C'est ouais, top 10, ça, quoi. Le best of the rest, ouais, c'est ça. Ouais, ou la mode, c'est ce qu'il a fait, ce qu'il a déjà fait, un podium à la limite. Non, même pas. Il a déjà fait un podium. Si, je crois qu'il a fait 10 podiums. C'est compliqué quand même, podium avec sa voiture. Il en a fait 10. Je crois que c'est le 4ème de l'histoire. 10 podiums. Ouais, il en a fait. Il est capable de coup d'esbrouf après sur une course. Méchant, mon team. Bah écoute. Non, à l'époque Lotus, il avait une voiture qui lui permettait. Il avait une meilleure voiture. Ouais, il avait la deuxième. Ça serait dur. Il avait la deuxième. Ouais. Justement, parmi ces 10 podiums, il en a 6 qu'il a fait la même année avec Lotus. Oui, c'est ça. Ouais, voilà, ouais. Il aurait pu gagner même au Japon. Il a failli gagner. Mais Red Bull était trop fort à l'époque, déjà. Mais effectivement, oui, je pense que du coup, on peut se demander si pour Romain Grosjean, actuellement, plus chez Lotus, hein, qui ne fait plus partie des écuries du championnat, mais chez Haas, a encore les moyens d'aller chercher un grand prix, ou s'il n'a pas raté le coche, comme je l'avais noté. Je pense aussi, personnellement, que globalement, peu trop tard pour lui. Non, c'est beaucoup trop tard. Ouais. Il était d'autant plus dans l'écurie où il est actuellement. Oui, en fait, il avait signé chez Haas à l'époque, avec comme espoir de passer chez Ferrari, vu que Haas était à l'époque une dans la filière Ferrari, la deuxième écurie dans l'idée, même si Gene Haas, le patron, déteste qu'on dise ça, mais dans l'idée c'est un peu ça. Et avec la signature de Leclerc chez Ferrari, c'est sûr, c'est perdu pour lui. Et il n'y aura plus aucun Tom Sim qui lui donnera une voiture. C'est fini. Je pense que c'est quasi certain, à part Cataclysme. Ou alors il faudrait éventuellement que Red Bull lui fasse une proposition des années à venir, mais ça va être compliqué. C'est impossible, surtout avec la politique filière de Red Bull. Oui. Non, c'est impossible. Très très peu probable. Oui, à part si un jour tout le monde dans le décor, Grosjean gagne, mais à part ça, ce sera impossible. Il n'aura pas un Tom Team. Un peu un GP de Monaco 96. Possible, hein, on sait jamais, c'est déjà arrivé. Ouais. On parle beaucoup des monoplaces qui font une grande partie de la course. Sur au niveau du talent de ces pilotes, est-ce qu'il y a un Français qui se dégage d'un autre ou pas? Les trois sont très forts. En gros, on le met un peu à part, je pense, parce que il est un peu plus âgé, fin de carrière, c'est pas la nouvelle génération. Du coup, je pense qu'on peut l'éloigner. Après, les trois autres sont très proches. J'en vois pas un vraiment au-dessus des deux autres. Hein. Non, les trois sont très forts. Pour autant, on peut peut-être justement parler du pilote dont on n'a pas parlé jusqu'à présent. C'est Esteban Ocon. Mais il a pas de, pour l'instant, il, est, baquet, ouais. il se retrouve un petit c'est, peu. Normalement, c'est quasi sûr, sans il n'aura pas de baquet. Sur la grille 2019, il reste. Limite hacké. Ouais, c'est. Pas mal. C'est non. Le siège. Il a une place dans une monoplace. Finalement, il participe pas. Ce qui est quand même un peu. Enfin, c'est pas très mérité. C'est très dommage. Oui, oui. Ça gueule un peu dans le milieu. Parce qu'en plus, il se fait virer, on peut le dire, de Force India. Même si les contrats de Force India sont des rares qui sont pas encore signés, mais officieusement, c'est donné à Perez et à Stroll. Stroll étant celui qui le remplace et le fils du nouveau propriétaire. Donc ouais, pas donc forcément un beaucoup mérite. Un peu... Bah son père à l'écurie, il le donne office, le baquet. C'est dommage que même si c'est pas une super écurie, qu'il ait pas atterri chez Haas avec Grosjean. Ça nous aurait fait une petite paire française. Il aurait pu. Mais le problème, il y a aussi un problème, il se lui pose problème aussi parce qu'il y a ce deux baquets, c'est Toro Rosso et Williams pour la saison prochaine. Il a montré un très très grand attachement à la filière Mercedes. Parce que Toro Rosso a une place, mais Helmut Marko, celui qui dirige la filière Red Bull, a dit que Ocon était sur la shortlist, mais qu'il pourrait avoir le baquet que s'il quittait Mercedes. Et comme il ne quittera pas Mercedes, il a dit qu'il avait, il leur devait tout. Mm-hmm. C'est ses termes. Il n'ira, c'est sûr, pas chez Toro Rosso. Du coup, le seul baquet qu'il y a, c'est Williams. Williams, il y a eu donc la signature de Russell la semaine dernière. Qui est assez étonnante parce qu'il est lui-même affilé Mercedes, comme Ocon, mais Toto Wolff, Williams a préféré faire signer Russell plutôt qu'Ocon. Mm. Du coup, la question se pose, le choix. Claire Williams a dit qu'elle avait privilégié Russell parce qu'il était anglais et que Williams est anglais, il promouvait les jeunes talents, sauf que, à mon sens, l'argument n'est pas très valable parce que ça faisait depuis 2000 qu'ils n'avaient pas eu un pilote anglais, Williams. À la perfide Albion. Du coup, je crois pas trop à cet argument-là. Et par contre, l'argument qui est un peu plus crédible, à mon sens, c'est l'argument sur lequel Russell a moins montré son attachement à la filière Mercedes que Ocon. Et Helmut Marko et toute la filière Red Bull étaient prêts à offrir le baquet à Russell s'il était prêt à partir. Du coup, Toto Wolff a peut-être introduit Russell chez Williams plutôt qu'Ocon en ayant peur de le perdre. C'est un peu plus crédible. Donc en fait la piste quand même Ocon est quand même la plus compliquée des trois. Ah oui oui, c'est le seul qui a pas signé pour l'année prochaine et qui vraisemblablement ne signera pas. C'est dommage pour Toro Rosso quand même. C'est dommage pour Toro Rosso, après il a des principes, c'est bien. Il a des principes. Et je sais qu'il a été proposé à Esteban Ocon, justement de faire une année dans une autre discipline. On a parlé à un moment d'IndyCar, mais lui a dit que ce serait pas le cas, que ça ne l'intéressait pas plus que ça et qu'il était prêt à attendre 2020 si nécessaire. Parce que justement, tu en parlais pour cet attachement pour Mercedes auquel il croit encore. Après, on lui a proposé aussi le DTM, parce qu'après Mercedes quitte le DTM, donc voiture de tourisme allemand. Mais pareil, il a refusé aussi parce qu'il a dit qu'il n'y avait que la F1 qui l'intéressait. Je vis F1, je rêve F1, mon but c'est de devenir un champion de F1. Enfin, il croit encore, quoi. Il a encore les ambitions. Il le croit encore. Après, c'est peut-être aussi stratégique de rien faire l'année prochaine parce que Mercedes sera obligé, s'ils ont un attachement avec lui, de lui offrir quelque chose en 2020. Ça serait un baquet dans l'idée de Formule 1. Plutôt que de le laisser pourrir dans une catégorie annexe, ce serait ça plutôt. C'est ça qui est triste un peu en F1, c'est qu'on a beau avoir des talents en France. Ce que je comprends, c'est que même quand je regarde vite fait les Grands Prix, quand tu vois Gasly, Ocon et Leclerc, c'est quand même des des pilotes brillants, mais qui au final ne peuvent pas être dans la lumière parce qu'ils sont pas dans les bonnes, écuries. Actuellement... Et ça qui est un peu triste, c'est que t'as beau être le meilleur pilote, si t'as une écurie derrière qui est dégueulasse, dans tous les cas tu gagneras pas. Voilà, comme Alonso. Bah oui, ça, par exemple. Donc Alonso, par parfait exemple. Ouais. Donc, bon, c'est pas nouveau, ça j'imagine, c'est sûr. C'est pas nouveau, mais il y a vraiment un énorme écart. Ça s'accentue l'écart par rapport aux années précédentes. C'est dommage au final. Et est-ce que les Français auront un jour leur chance? Bah l'année prochaine, vu qu'ils sont dans des top teams, oui. Après, la seule chance que t'as actuellement. Chez Ferrari, quand même, ça peut le faire. C'est peut-être justement la deuxième problématique de Romain. Oui, j'allais justement vous poser cette question concernant la suprématie Mercedes qui est assez forte, hein, on a pu le voir sur les dernières saisons, et est-ce que finalement elle peut empêcher à votre avis les Français de franchir un cap et de remporter, alors un Grand Prix ça semble être quelque chose, c'est ce qu'on disait vraiment dans leur corde désormais, d'autant plus dans des top teams, mais peut-être de bien figurer tout au long de la saison, de faire des podiums réguliers et aller chercher au-delà de cette première victoire espérée, mais plusieurs victoires, d'autant plus, ça peut être intéressant d'en parler, surtout que tu n'étais pas forcément d'accord avec ça, je sais, avant l'émission, que ce soit Gasly ou Leclerc, on pourrait penser, en tout cas sur le papier, ça reste que sur le papier, qu'ils seraient les pilotes numéro 2, de Gasly de Verstappen chez Red Bull, et Leclerc de Vettel chez Ferrari. Oui. Après, on a vu cette année des victoires de Ricciardo, ce qui est chez Red Bull si je ne me trompe pas, Verstappen a gagné aussi. Verstappen a gagné donc concours. Si Gasly va chez Red Bull, je suppose qu'il a l'opportunité d'aller le faire également. Oui, non, après voilà, c'est problème du moteur, c'est le changement de moteur. Ouais, c'est ça, changement de moteur. Enfin, ouais, non, mais là, il y a Verstappen a fait une déclaration comme quoi il disait que finalement, c'était pas si mal, mais bon. Verstappen aïe Renault. C'est qu'il a chapeauté. Déjà de base, Verstappen aïe Renault. Donc de base, il va forcément dire du bien du moteur Honda. Mais ils sont un peu dans les expectatives parce que même Christopher Horner a dit, le patron de Red Bull, Christopher Horner, a dit que ça serait peut-être une saison de transition, la saison 2019, pour Red Bull. Du coup, même eux, ils savent pas trop. Déjà, c'est normal. Dire ça, déjà c'est normal. Christopher a dit ça. Et pourtant, il a un peu une grande gueule. Du coup, s'il dit ça, c'est que vraiment, ils ont des doutes. Après, la question se pose sur le fait que Toro Rosso, leur écurie fille, a déjà le moteur Honda. Donc, ils savent plus ou moins où ils vont par rapport à ça. Mais le choix est aussi dicté par la relation exécrable qu'ils avaient avec Renault depuis quelques années, où ils se détestaient vraiment. Donc, on ne sait pas trop à quoi s'entendre. De base, il y a eu une évolution moteur, j'en ai pas parlé, à Suzuka, le dernier Grand Prix, où les Toro Rosso ont étonnamment bien figuré. Ouais, ils ont bien marché. Vraiment, le nouveau moteur Honda est bien meilleur que l'ancien, ça c'est sûr. Après, c'est difficile de donner un rapport avec Renault. Je pense que ça après, il faut voir sur la durée, donc on n'a pas donné sur ça. Ouais. De Red Bull l'année prochaine. Peut-être plus de chance pour justement Charles Leclerc qui peut aller chercher avec. Cette fois-ci, la Ferrari. Ouais, Charles Leclerc, normalement, c'est quasiment sûr un GP. Un GP, normalement, c'est quasi sûr parce qu'il n'y a pas de gros changement de réglementation à part sur les ailerons avant. Sur la saison prochaine. Si c'est comme cette année avec Raikkonen qui doit laisser passer Vettel. Justement, je me demande si Vettel il va pas être un peu je le vois pas moi je vois peut-être un peu baisser de pied je sais pas Vettel baisser de pied mais je vois Leclerc, pas numéro 2, je le vois passer au travers de quelques courses comme il a fait cette année. S'il passe au travers Charles Leclerc a sa chance sur une course et plus que ça, moi je le verrais plus égal Leclerc à Vettel, enfin va voir, c'est pure supposition. Devant Vettel à égal, le problème c'est que Ferrari choisit toujours numéro 1 numéro 2. Et le fait, enfin, il y a une chose, peut-être pas l'année prochaine, peut-être qu'ils vont partir avec Leclerc numéro 2, mais à long terme, ils seront obligés de mettre Leclerc numéro 1 parce qu'il est issu de la filière, genre de la Ferrari Academy. Et puis en plus, il est plus jeune aussi. Oui, il est plus jeune aussi, ça c'est sûr. Et du coup, l'année prochaine, peut-être pas, mais je pense quand même qu'il sera pas loin d'être numéro 1. On verra en début de saison s'il est vraiment égal à Vettel. S'il y a vraiment chamboulement, mais moi je pense vraiment qu'il peut embêter Vettel. Il peut bousculer la hiérarchie. De toute façon, c'est la course qui va dicter la hiérarchie au bout d'un moment. Il faudra surtout pas qu'il tombe dans le même rôle que Raikkonen, parce que là ça sera très problématique pour lui, surtout à son âge. Mais je pense quand même qu'il n'est pas aussi buté que notre ami Kimi pour foutre sa carrière un petit peu en l'air en ayant ce comportement. Quand même. Peut-être que pour la première saison de Leclerc chez Ferrari, Vettel restera dans tous les cas numéro 1, c'est sûr. Ouais. Mais en fonction de ses performances, peut-être que ça évoluera. Peut-être encore sur deux ans, ouais, peut-être que Vettel sera devant. Mais en tout cas, de ce que vous dites, assez rapidement, c'est sûr, ouais, que Leclerc sera à un moment donné numéro 1. À long terme, c'est sûr. Il je suis assez de l'avis de Paul justement sur ce sujet. C'est quand même Sébastien Vettel, c'est plusieurs, ouais, victoires cette année. Oui, c'est, oui, un multiple champion du monde. Donc la saison prochaine, que le petit nouveau soit direct premier numéro 1, même si la Ferrari Academy. Après, il sera officiellement. Oui, officiellement, c'est sûr, il sera numéro 1. Après, sur la piste. C'est ça. C'est sûr, oui, par contre, vraiment, là je parlais niveau piste. C'est sûr que niveau, oui, coulisses, ils vont dire que Vettel numéro 1, Leclerc numéro 2, il arrive. Ça fait sa deuxième saison. On peut dire qu'il sera traité de la même manière, en tout cas. Il sera traité de la même manière, c'est sûr. Il sera, ouais, il sera pas comme Raikkonen. Je pense qu'ils feront plus attention à Leclerc qu'à Raikkonen, parce qu'ils ont toujours très mal traité Raikkonen. Mais okay. Ferrari, comme il est. Leclerc, comme il est issu de la Ferrari Academy, normalement, ils feront plus attention. Pour leur image. Bien que. Ils ont du mal parfois à gérer leur image Ferrari. Finalement, ce que j'en retiens de ce que vous dites, c'est que voilà, déjà forcément, du fait des top teams, nos deux plus grandes chances semblent être Gasly et Leclerc, mais avec avantage Leclerc en étant chez Ferrari. Parmi les quatre Français, bah, sur une hiérarchie, c'est monégasque. Voilà, finalement, ouais, c'est celui qu'on intègre avec plaisir, du coup. Mais et Monaco, c'est la France. Bah, ça, c'est, ouais. De toute façon, quand ça gagne, c'est français. Voilà. Voilà. Apparemment. Ouais. Dernière problématique peut-être. Oui, et puis voilà, une dernière question plus générale que je voulais vous poser, c'était au sujet de la F1 et d'un sorte de désamour qu'on a pu avoir dernièrement, notamment avec des scénarios stéréotypés ou ce qu'on pouvait évoquer, c'est-à-dire une F1 dominée par les top teams mais surdominée, avec notamment Mercedes qui a écrasé la saison. Est-ce que finalement vous pensez que c'est l'absence quand même de victoire française qui fait le plus de mal, en tout cas pour la visibilité de la F1 en France? Et est-ce que si un Français se met à remporter un, voire plusieurs Grands Prix, l'engouement en France reviendra pour la F1, ou il faut plus que ça? Bah, ça c'est comme dans tous les sports, j'ai envie de te dire, mais je pense que le manque de visibilité, c'est pas ça, c'est, on va pas citer de marque, mais avant tu allumais la télé, t'avais pas besoin d'être abonné, hein, tu peux le dire, hein. Ah bon, sur TF1, alors, voilà, canal, hein. Avant ça passait sur TF1 et tout le monde pouvait le voir, et là, oui, il faut ça que joue tu... énormément, ça joue énormément, ouais, je pense, ah, ah, ouais, TV, bien sûr. Cette année, ça a quand même changé. On a quand même 4 Grands Prix qui sont, oui, diffusants. Oui, parce que quand même, il y a des passionnés de sport mécanique, et pas en particulier de la F1 en France. Et je pense que c'est le problème de visibilité, c'est ça joue beaucoup le fait d'être diffusé ou pas sur. Et est-ce que vous croyez justement que si des mecs comme Leclerc, comme Ocon ou Gasly sont sur le devant de la scène? Deviennent des cadors de la discipline. Pas tout de suite. Ouais, mais d'ici 3-4 ans, si jamais ils sont sur le toit du monde, est-ce qu'on pourrait pas justement avoir de nouveau des chaînes comme TF1 au canal récupérer ça, les. Ouais, mais ça, c'est. Honnêtement, on n'est pas bien placé pour parler parce que là, c'est des. C'est problème de sous, là, après. Ouais, c'est des grands groupes qui se. Bah, au contraire. Les droits TV. Canal, ils vont pas lâcher la Formule 1 parce qu'ils ne restent pas grand chose. Si ça passionne, les grosses chaînes payantes vont s'aligner. La preuve avec la Ligue des Champions, là, qui est passée complètement. Moi, sous un service privé. Ouais. Après, automatiquement, oui, si t'as des Français qui vont être sur le devant de la scène en sport mécanique, on a quand même souvent été assez réputés. En rallye, on est une très grande nation. C'est pas pour autant qu'on était tellement diffusé quand même. Non, après, ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que la diffusion, la diffusion, c'est autre chose, mais on a quand même souvent parlé de Sébastien Loeb, mis en avant le rallye plus que la F1 ces derniers temps, si on parle de français, ce qui est logique en soi, puisque Sébastien Loeb a été un immense champion. Mais oui, c'est déjà si un Français gagne un Grand Prix, peut-être qu'on va un peu s'attarder sur le après, sujet. Tu fais la une des journaux sportifs, donc forcément. Non, c'est, en soi, c'est volontairement une question provoque, parce qu'effectivement, par exemple, là, on n'a pas gagné pendant plus de 20 ans un Grand Prix. Si on en gagne un, je pense qu'il y aura un certain retentissement, surtout que la F1 a toujours été une discipline aimée en France, qui est une des patrimoines authentiques. Après, il y a une assez authentique. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la petite différence quand même qu'il y a par rapport à il y a quelques années, c'est assez appuyé, c'est le fait que le pilotage passe, ce qu'on disait, un petit peu en retrait face à la technologie. Et est-ce que ça, justement, quand même, c'est gênant à plus ou moins long terme pour cette discipline? Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une différence entre suivre et regarder dans l'idée. Les pilotes français commencent à gagner, la population française va regarder les résultats parce qu'on gagne, du coup tout le monde est content. Ça donnera pas forcément plus envie de regarder les Grands Prix, parce que je pense que le principal problème, c'est le spectacle en piste. Ouais, le scénario. Si les Français gagnent, mais qu'on s'ennuie pendant deux heures, les gens ne regarderont pas beaucoup plus, je pense. Ils seront contents parce que les Français gagnent, mais je ne pense pas qu'ils regarderont. Et je pense que oui, ça fait depuis 2014 qu'on a vraiment eu des saisons très ennuyeuses, très ennuyantes. Monotone, quoi. Oui, très monotone. Et la modification des ailerons avant, la nouvelle réglementation de la FIA, vise à promouvoir le spectacle en piste, parce qu'un des principaux soucis aérodynamiques qui est mis sur le devant de la scène, c'est l'incapacité qu'ont les voitures à se suivre sur la piste. Et c'est notamment dû à la trop grosse aérodynamique des ailerons, qui crée trop de turbulences et qui empêche les voitures de suivre. Du coup, ils veulent réduire ça pour retrouver des batailles comme dans les années 2000 où les voitures. Est-ce que l'instauration du halo pour sécuriser un peu les pilotes a permis de faire quelques déplacements un peu plus risqués que les années précédentes ? Non, pas du tout. Je vois aucun changement sur le halo. Ouais. C'est purement, oui, c'est sécuritaire. Mais pas du tout aérodynamique. Enfin, pas, oui, dans l'esprit, ça change rien. Les pilotes, ça change rien dans leur manière d'approcher la course. Par contre, ça a été assez salué sur le plan de la sécurité. Ah, bon, oui, critiqué oui. par ah, moment oui, oui. sur. Ça a été critiqué. Après, mais, oui, du point de vue de son utilité, oui, il a prouvé que ça. Après, c'est un autre débat. Sur quelques événements, en tout cas, de la saison, oui, il y a eu des moments. En Belgique. Mais voilà, ça a rappelé le fait que sur l'aspect sécuritaire, oui, derrière les critiques, ça avait un rôle indéniable. Et après, du coup, oui, je pense qu'il faudrait que les plus de batailles en piste et moins de. Plus de quoi ? Plus de batailles en piste pour que les gens regardent plus et qu'il y ait de moins grosses différences sur toutes les écuries, parce que là actuellement il y a trois écuries d'autres. Ne serait-ce que si on avait une troisième qui pourrait rivaliser Ferrari et Mercedes, déjà il y aurait une bataille à trois. Un peu de. Ouais, ça changerait tout. C'est ça, un peu de suspense. C'est aussi. Actuellement, on peut plus imaginer qu'une écurie inférieure aux trois top teams remporte un grand prix. Alors que dans les années 2000, il arrivait qu'il y ait des équipes un peu du milieu, voire fond de classement, qui gagnent même un grand prix, comme Toro Rosso par exemple, ou certains exemples comme ça. Et actuellement, c'est impossible à concevoir, par exemple. Même pour les podiums, hein, sachant. Et même pour les podiums, oui, par exemple, cette année, très rare. Il y a que Sergio Pérez. C'est ça, que Sergio Pérez. Toro Rosso. On en parlera dans le quiz. De ce point de vue-là, c'est catastrophique. On pourra en parler. Excuse-moi. Du coup, oui, on voit pas trop d'amélioration dans la. D'accord. Ok. Non, à mon avis, dans la visibilité, ça peut être compliqué pour la visibilité. Et un exemple juste que je voulais donner pour terminer là-dessus, c'est qu'on parle de trois écuries qui dominent, mais c'est même en plus trois écuries avec des rangs bien bien déterminés, sachant qu'on a eu des courses avec le même classement du début à la fin pour les premières places. Et puis on a eu des courses où on avait les deux pilotes Mercedes, les deux pilotes Ferrari, les deux pilotes Red Bull. Et ça, c'est vrai que pour le grand public qui veut s'y intéresser et voir la discipline sportive, c'est pas visuel, c'est lassant et pas visuel et un petit peu dommageable. Après, effectivement, c'est ce qu'on retient de ce débat du jour, c'est les Français qui ont derrière cette première stat que je vous donnais, aucun podium cette saison, très peu même de top 5. Il y a une quatrième place pour Romain Grosjean justement. Et Gasly à Bahreïn aussi. Ouais. Mais bon, et quelques sixièmes places, je sais, par exemple. Mais avec les changements justement avec des nouveaux baquets pour Gasly et Leclerc notamment, et puis Ocon peut-être dans les saisons à venir, il y a véritablement des espoirs pour la discipline et une Formule 1 qui sera déjà plus suivie, comme on le dit, si on a des résultats et on a très des bons espoirs de voir très victoire et en tout cas podium, c'est quasi certain. La F1, ça reste un sport authentique. Je pense que c'est pas un sport comme peut l'être le golf ou un sport collectif où les gens peuvent d'un coup se dire un peu il y a une hype, on va peut-être se mettre à suivre. Pour moi, ça reste un sport vraiment de passionnés, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont suivi depuis le jeune âge quand même. Je regardais tout le temps les Grands Prix quand j'étais petit. Pour ça, je m'y intéresse encore, mais si j'avais pas regardé les Grands Prix, si j'avais pas suivi quand j'étais petit, je suis pas sûr que d'un coup je me dirais ah, alors qu'est-ce qui se passe en F1? J'entends pas mal parler de Vettel, Hamilton, je vais m'y intéresser, je vais un peu chier. C'est ultra fermé, oui, c'est vrai. C'est un milieu vachement conservateur, c'est vrai. Donc voilà, c'est pas un sport vraiment où il va y avoir un effet de mode d'un coup. Okay. Mais oui, non, juste le seul point que je voulais évoquer par ce troisième axe du débat, c'est que derrière ce que tu dis, il y a aussi des gens justement qui n'étaient peut-être pas des passionnés, hein, ça c'est clair, mais qui suivaient avant et qui désormais ne le font plus et qui pourraient peut-être y revenir. Ouais, voilà, moi je pense que si un Français quand même est en haut de l'affiche, ça va drainer du monde. Hein. Oui. Ouais. Oui, parce qu'on est un peu messieurs Leclerc et Gasly, on compte sur vous. Merci, on va passer à notre deuxième pause musicale après ce beau débat. Tim, je te laisse la présenter. Un grand nom du rap US, DJ Khaled, No New Friends. Allez, à tout de suite sur Sports and Chill. Stay down with my day one niggas and we in the club screaming no new friends, no new friends, no new friends, no no new. DJ Khaled! Still here with my day one niggas, so you hear me say no new friends, no new friends, no new friends, no no new. I still ride with my day one niggas, I don't really need no new friends, no new friends, no new friends, no no new. I stay down from day one, so I say fuck all y'all niggas, except my niggas. Fuck all y'all niggas, except my niggas. One more time, fuck all y'all niggas, except my niggas. Fuck all y'all niggas. Stay down from day one, so I say. Man, this shit so ill that we had to restart it. H-time on second home like I'm James Harden. Money counter go brrr when you selling out the garden. Four car garages, four installment notches. Birdman go brrr cause he know this shit retarded. Fuck her on the floor before we make it to the bed. Switch your ass really cost, started from the bottom, yes lord. OVO Sam, man, I'm proud of my niggas. Knew that we would make it, never doubted my niggas. All my bitches love me, if I had a baby mama she would probably be richer than a lot of you niggas. Ayy, that's luxury, dawg. Day one niggas, man, you stuck with me, dawg. Ever since you two niggas been calling me the leader of the new school. Fuck with me, dawg, yeah. No new friends, no new friends, no new friends, no no new. Still here with my day one niggas, so you hear me say no new friends, no new friends, no new friends, no no new. Still ride with my day one niggas, I don't really need no new friends, no new friends, no new friends, no no new. I stay down from day one, so I say fuck all y'all niggas, except my niggas. Fuck all y'all niggas, except my niggas. One more time, fuck all y'all niggas, except my niggas. Fuck all y'all niggas. Stay down from day one, so I say. Yo, bitch, all of my photographs. Whole niggas got hate for me. Big homies all certified. Nothing niggas gon' take from me. Follow code, study game. Feed fam, nigga, fuck fame. All black, my whip foreign. These bad hoes keep tiptoeing. Down in Turks and Caicos. Dope boy, that's my dress code. All I hug is blood, nigga. Khaled, that's my fleshed out. All I want is love, nigga. Money bring that stressed out. Smoke good. I love life, strip club like every night, my same niggas, day one, straight minutes. Rose. No new friends, no new friends, no new friends, no no new. Still here with my day one niggas, so you hear me say, no new friends, no new friends, no new friends, no no new. Let's ride, let's ride. I still ride with my day one niggas, I don't really need no new friends, no new friends, no new friends, no no new. Stay down from day one, so I say fuck all y'all niggas, except my niggas. Fuck all y'all niggas, except my niggas. One more time, fuck all y'all niggas, except my niggas. Fuck all y'all niggas. Stay down from day one, so I say. I'm here with my niggas. I'm too high to be friendly. They throw dirt on my name. Well, that's why they still dig me, and I'm tired of all this hating. I thank God for my patience, I thank God for my homies. I wish we could trade places, bitch, we good fellas. Boy, all them niggas with you, they just pallbearers. And if we ball catchers, remember, sip slow, live fast. Young money, stay young, I've been cash money since day one. No new friends, no new friends, no new friends, no no new. Still here with my day one niggas, so you hear me say no new friends, no new friends, no new friends, no new. Let's ride, let's ride. I still ride with my day one niggas, I don't really need no new friends, no new friends, no new friends. Stay young, been cash money since day one. Stay down from day one, so I say fuck all y'all niggas, except my niggas. Fuck all y'all niggas, except my niggas. One more time, fuck all y'all niggas, except my niggas. Fuck all y'all niggas. Stay down from day one, so I say. Fuck all y'all niggas. Allez, de retour sur Sport & Chill. On va passer tout de suite à notre parole est aux Chillers. La parole est aux Chillers. Et c'est l'occasion de parler sûrement de la dernière fois d'un sport qui est cher à Romain. Hop, donnez un mouchoir à Tim, il a la larme à l'œil. Ouais, il est dégoûté. Et d'un sport qui est cher à Tim aussi. Sur le cyclisme. De la même manière qu'à moi. Quoi. Puisque c'était la dernière course importante de l'année. Ah oui, le Tour de Lombardie qui est un monument. Et d'autant plus, il faut en parler puisque c'était une victoire d'un Français. On a eu un Français qui a été monumental, on peut le dire. Oui, et on en a posé la question la semaine dernière au quiz. Il y a très peu de Français qui ont gagné des monuments ces dernières années. Donc il fallait en parler. Je te laisse faire un petit peu ton plaidoyer sur. Ouais, sur mon plaidoyer déjà avec un petit retour sur ce Tour de Lombardie et puis au-delà du retour sur le Tour de Lombardie sur l'année de nos Français. Donc je pense qu'on peut être relativement satisfait. Je vous laisserai réagir sur les Français, mais sur le Lombardie, tu nous fais un petit oui, résumé. Oui, c'est un petit retour rapide, sachant qu'on savait qu'on allait parler pendant un petit moment là cyclisme et du coup on s'est permis de le sortir des résultats, voyez-vous. Donc une semaine italienne. Qui a souri à Thibaut Pinot, le français de l'équipe Groupama FDJ, qui a brillé hein, tout au long de la semaine en montant en puissance. Une première course sur les Trois Vallées Varésines où il termine deuxième déjà au sprint derrière le Letton Tom Skuins qu'on avait vu sur le Tour de France performer en début de tour. Derrière une classique remportée, la première de sa carrière, classique relativement mineure, hein, voilà, faut être un petit peu connaisseur de vélo pour suivre celle-ci. Mais Thibaut Pinot remporte le lendemain des Trois Vallées Varésines Milan-Turin sur les pentes de Superga. Après avoir fini second sur marque de chaussures. Ouais. La veille. Après avoir fini second justement sur les Trois Vallées Varésines. Donc victoire oui de Thibaut Pinot sur le Milan-Turin, qui est la plus ancienne course du calendrier, je le disais, qui date de 1876. Ouais. Pour moi, c'est un match de foot, hein, Milan-Turin. Mais... Ça peut être aussi. Intéressant déjà. Un grand match des années 2000, quoi. Milan AC, Juventus-Turin. Exactement. Allez, et donc, victoire, oui, de Thibaut Pinot. Son âme, Yacine. De Thibaut Pinot devant Miguel Angel Lopez et. Vincent Nibali, surtout. Non, je parle là pour le moment. J'y vais trop vite. Milan-Turin, tu as un petit temps d'avance. Mais on y vient. Et Alejandro Valverde. Donc, avec un petit moment insolite à regarder d'ailleurs avec David Gaudu qui s'écarte. Avec David Gaudu qui s'écarte et qui envoie à terre Miguel Angel Lopez. Et heureusement peut-être d'ailleurs. Mais Thibaut Pinot était déjà bien fort ce jour-là. Et ensuite Thibaut Pinot bien sûr sur le Tour de Lombardie, le peak time de la saison cycliste. On sait que c'est un terme cher à Tim. C'est un terme cher à Tim, du coup je l'emploie. Et de cette semaine italienne, donc le Tour de Lombardie qui fait partie des 5 monuments qu'on a cité la semaine passée. Victoire de Thibaut Pinot et un festival, j'ose le dire, dans ce Tour de Lombardie où il s'impose devant Vincenzo Nibali qui est tel vainqueur sortant 2017 et double vainqueur avec l'édition 2015 et Dylan Teuns, un petit Belge qui monte cette saison. T'es sûr c'est pas Miguel Angel Lopez en 3? Non, je suis sûr. Miguel Angel Lopez n'a d'ailleurs même pas participé au Tour de Lombardie. Non, c'est pas lui. Super. D'ailleurs, un peu surprenant parce que c'était sans doute un des plus forts concurrents face à Thibaut Pinot, mais il a décidé d'arrêter sa saison un petit peu plus tôt. Et donc puis, le leader Astana était Fuglsang. Soulignons que Thibaut Pinot, pour te relayer un petit peu, vas-y, Thibaut Pinot a gagné de manière comme un champion. Avec voilà, Panache. Avec Panache. Comme Buzz l'éclair. Si tu le dis, vers l'infini et au-delà. Non, mais c'était vraiment ça parce que Thibaut Pinot, qui est sûrement encore un peu frustré du championnat du monde parce qu'il a énormément travaillé pour Julien Alaphilippe et au final on connaît la défaillance du coureur de Quickstep et puis là il fait une fin de saison tonitruante, donc je te dis il gagne Milan-Turin et là sur le Tour de Lombardie il faisait partie des favoris et il a assumé son statut de favori et ça a fait plaisir de voir Pinot comme ça parce que souvent on l'a annoncé favori de telle ou telle course, il déçoit et là où justement on l'attendait pas et ben il était présent et ben là il a répondu aux attentes qu'on avait en lui et puis à 14 km de l'arrivée, 13 km 9 exactement je crois, il attaque Vincenzo Nibali dans l'avant-dernière difficulté. Le juge de paix du Tour de Lombardie, le Civic Guillaume. Qui fait 4 km, je crois, mais qui est très raide. Ouais. Et il savait que c'était à ce moment-là qu'il devait lâcher Nibali, parce que d'ailleurs, il y a une descente. Parce que dans la descente, derrière, c'est pas possible. C'est ça, voilà. Une des meilleures capacités de Vincenzo Nibali. Ouais. Et effectivement, de fort belle manière, la course décante à 50 km de l'arrivée dans le Sormano, qui est le gros mur de ce Tour de Lombardie. Et les hommes forts se détachent. Pinot, Nibali, deux hommes forts de cette course, mais aussi Roglic, parti un petit peu plus tôt, et Egan Bernal, le jeune Colombien revenu dans la descente. descente de ce Sormano. Et dans la difficulté la plus importante, Rennes, là où se joue la course, le Tour de Lombardie, Pinot était le plus fort. Il s'impose en solitaire, saluant même ses coéquipiers avant de franchir la ligne d'arrivée. On y reviendra dans le son de la semaine. C'était un grand moment pour lui, sachant qu'il y avait notamment Jérémy Roy qui arrête sa carrière. Et donc la plus grande course assurément de Thibaut Pinot, qui passe peut-être un cap oui. Dans sa carrière. Il a fait une fin de saison tonitruante, c'est mérité, le point d'orgue du coup de sa carrière à 28 ans. Et puis on pourrait dire justement que Marouane Nibali, bon, qui a gagné des grands tours aussi, a remporté son premier Tour de Lombardie à 31 ans. Donc intéressant de voir Pinot être capable de le faire un petit peu plus tôt que ça, même si je pense que c'était vraiment l'année pour le faire et arriver à bien évoluer. Et donc j'en viens justement au plaidoyer du jour après ces résultats et cette belle victoire pour Thibaut Pinot, c'est cette saison de cyclisme 2018. Et finalement, ben, qu'est-ce qu'on a pensé de nos Français alors que la saison s'achève la semaine prochaine? On a eu une course tout le long de la saison assez passionnante quand même, moi j'ai trouvé, même au-delà de la France. On sait que Simon Yates s'est assuré de terminer en tête du classement World Tour. Mmh. On a eu trois victoires britanniques sur les grands tours, Chris Froome, Geraint Thomas, Simon Yates. Qui s'est fait voler son trophée Geraint Thomas. Avec son lot de bons moments ou de moins bons, et puis suivant si on apprécie ou non ses coureurs. Alejandro Valverde termine en tête aussi du classement en général de l'UCI, toute compétition confondu, et le nouveau champion du monde. Juan Dennis est désormais champion du monde du contre-la-montre. Et on a eu des classiques, surtout, moi c'est ce que je retiens, qui ont été passionnantes et où nos Français ont été en haut de l'affiche, avec trois Français, qui ont marqué cette saison, hein, Thibaut Pinot et Julien Alaphilippe surtout, Romain Bardet également. Oui. Et finalement, bah, qu'est-ce qu'on retient de cette saison assez incroyable? Est-ce qu'on peut se satisfaire des performances de nos Français? Et jusqu'où vous pensez qu'ils sont capables d'aller et de nous surprendre? Moi, en tout cas, j'ai été ravi des Français et j'ai trouvé que c'était un grand cru cette année 2018, que ce soit pour Julien Alaphilippe et Thibaut Pinot, et à moindre mesure, mais quand même pour Romain Bardet. Ah bah c'est sûr que c'est une belle saison pour le cyclisme français, je pense. Grand cru avec Thibaut Pinot. Celle-là elle est belle, celle-là je l'apprécie. C'est le seul truc que je peux dire sur le cyclisme, donc c'est plaisir. Non mais évidemment c'est une bonne saison de la part des Français en 2018, avec deux victoires sur deux monuments. Alaphilippe sur la Flèche Wallonne. Alors est-ce qu'on considère Flèche Wallonne comme un monument? Non, d'accord. En tout cas, deux victoires, même trois victoires du coup dans le top 10 des classiques, sachant que Alaphilippe a remporté la Flèche Wallonne et la Classique à Saint-Sébastien. Ah oui, bien sûr, la Classique à Saint-Sébastien. Tour de Lombardie pour Thibaut Pinot, et les monuments pour te répondre, c'est Milan-San Remo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège et Tour de Lombardie. Ok, bah, bravo. Tu es allé aussi vite que ouais, j'ai même pas pu retenir tellement t'allais vite. Ça m'arrive. Mais voilà, le seul point noir, et je l'ai encore un peu en travers, c'est malheureusement la défaillance Il reste quand même 6ème, je crois, du classement du Tour de France, Romain Bardet. 6ème, 5ème peut-être. 6ème, ouais. Il peut faire un podium 15 fois. Même si évidemment Sky a été encore une fois au-dessus du lot et à la main sur les grands tours, mais c'est de bonne augure pour la suite, et je pense que Pinot a franchi ce cap qui peut lui être bénéfique pour la suite de sa carrière. Bardet, vice-champion de France, vice-champion du monde, donc oui, c'est une saison qui est largement réussi de la part des Français, même si cette petite déception qui au final est une grosse pour moi sur le Tour de France. Ouais, enfin, pour moi, j'ai pas de déception sur le Tour de France concernant Bardet. Par contre, je suis ravi de. Bon, enfin, pour moi, Julien Alaphilippe, évidemment, saison extraordinaire. Et défaillance au championnat du monde pour Alaphilippe. Oui, d'accord, mais bon, après, je pense que... Un peu émoussé, il a eu une saison très... Oui, très voilà, il a eu une saison harassante et tout, après, c'est un petit peu normal d'être fatigué à un moment donné, et puis... Tout le monde est fatigué, je suis désolé. À ce moment-là de la saison, bon, on va pas partir sur un débat sur ça, mais tout le monde est fatigué à ce moment-là de la saison. Non, mais là où je comprends ta déception, c'est que par contre, les deux courses de fin de saison pouvaient lui réussir, lui sourire. Notamment les championnats du monde, et voilà, on en attendait mieux, c'est vrai. Ouais. Non, mais après, ils ont fait quand même une super saison. Bah, Thibaut Pinot, je pense que moi, de partie de personnel, je peux dire que ça y est, c'est un grand champion, puisqu'il a quand même gagné. Bah, ça compte quand même, il a vraiment gagné un monument du cyclisme, ça compte. Je pense que c'est de bon augure pour dans le futur pour le Tour de France. Moi, je considère que d'ici 2-3 ans, Julien Alaphilippe pourra prétendre à le gagner. Bon, Bardet, évidemment, c'est toujours le cas. Et Pinot, bah, s'il a une bonne équipe, pareil, dans les années à venir, il pourra. Hein. S'il le joue, parce qu'on a vu que les courses italiennes étaient vraiment sa spécialité. Ouais. Oui. Non, je trouve que la saison pour Bardet en tout cas ouvre de nouvelles perspectives concernant son, son potentiel et ses différentes qualités. Oui, ce que j'allais dire. Je trouve qu'il s'est révélé, enfin, oui, c'est sûr, même il s'est révélé sur les classiques d'un jour. Sur la course du champion du monde, c'est vrai qu'il était impressionnant. Hein. Pas ouais, que sur les... Même Liège-Bastogne-Liège, il fait, troisième à Liège, dans mon souvenir. Il fait aussi deuxième au Stade Bianchi plutôt dans la saison. Donc, Du coup, je pense qu'il a, il a quelque chose à creuser comparé, pour les courses d'un jour, à mon sens. Pour répondre à ça, je trouve que c'est plutôt un potentiel confirmé, parce que Bardet a toujours été présent pour les Liège-Bastogne-Liège, par exemple. Oui. Flèche Wallonne, c'est peut-être plus dur pour lui parce que c'est plus pentu, ça correspond plus à un profil comme Alaphilippe ou Valverde, mais Bardet a toujours été présent en tout cas pour les étapes comme Liège-Bastogne-Liège. Après Stade Bianchi, je sais pas comment on le dit, Stade Bianchi. Parce que jusqu'à maintenant moi je disais Stade Brianche, mais c'est moins pas du tout, moins sexy, plus franchouillard, c'est plus franchouillard, c'est moins sexy, mais je sais pas, pas forcément une révélation sur ce côté-là. Bardet, ça a toujours été une option, en tout cas française, sur ces classiques-là. Ah, quand même un peu, parce qu'il avait quand même du mal. Moi, je trouve que cette année, c'est vrai, il a passé quand même un cap, je crois. Hein. Ouais. Il a passé un cap, sans doute, sur les classiques, même s'il l'a pas mis dans le 1000, donc c'est quand même ce qui manque, faut le dire. Par exemple, sur Liège-Bastogne-Liège, où il avait bien réussi. Julien Alaphilippe, lui, pour moi, a véritablement franchi un cap. Thibaut Pinot également, alors qu'on commençait un petit peu à s'inquiéter sur ses capacités vraiment à performer sur des courses de très très grande importance. Moi, je serais curieux de voir, j'en viens sur les attentes dans notre dernière minute pour avoir votre réaction, sur les attentes pour la saison prochaine. J'aimerais bien revoir un Thibaut Pinot au Tour de France. À l'inverse, je considère que Romain Bardet, par contre, aurait intérêt sur les grands tours à aller voir autre chose. Un Giro ou une Vuelta, généralement on programme la Vuelta que suivant la saison, donc plutôt un Giro. Bon, d'accord. Vuelta, il peut la gagner facile. Et puis pour Alaphilippe, justement, quelles sont vos attentes, dites-le moi. J'entends certains parler de grand tour, moi je pense que c'est pas le cas. Mais on peut pas parler de cyclisme plus là. Mais non, mais juste avoir réaction et que ce soit pas moi qui termine éventuellement sur le cyclisme cette année. Je pense qu'il est capable de gagner. Tu laisses honneur à Paul. Ouais, je laisse honneur à Paul ou à Alex ou à Max, hein, peu importe. Quel type de course il peut gagner. Moi je pense des courses d'une semaine de plus grande importance et puis des classiques, c'est peut-être le plus gros potentiel. Des critériums, tu penses? Ouais. Je pense qu'il est un peu limité encore pour les critériums. Pour le moment, ouais. Je pense un peu. Alaphilippe. Il est encore trop limité. Course d'étape, une semaine, type Paris-Nice et compagnie. Moi, Critérium, j'y crois. Hein. Dauphiné et tout, j'y crois. Hein. Pour Alaphilippe? Ah oui. En montagne, ce qu'il a fait cette année, moi, franchement, je vais être poli, il m'a mis sur les fesses. Hein. Non, ça, sérieusement. Hein. Sérieusement, franchement, faut voir ce qu'il a fait. T'en as pas beaucoup des purs grimpeurs, des vrais grimpeurs. On peut en citer 2-3, mais vraiment impressionnant. T'en as beaucoup dans le peloton aujourd'hui. Des purs grimpeurs, t'en as un paquet. Impressionnant? Attends, le petit Colombien de la Sky, là, notre ami Bernat, et après Bernal Lopez. Ouais, Bernal, bon, c'est pareil. T'en Bernal Lopez, t'en as pas qui? Quintana, Raquel. Non, mais si, c'est un pur grimpeur. Des purs grimpeurs, t'as Bardet qui en est. Oui, mais après, Quintana, c'est un pur grimpeur, mais c'est un pur grimpeur. On en parlera aux antennes, en tout cas, mais on a eu une belle saison et puis on espère que nos Français brilleront encore l'année prochaine. Il y a eu beaucoup de victoires. Et juste pour terminer là-dessus, parce que nous l'avons pas dit et cité d'autres noms, il y a eu 5 victoires d'étape sur la Vuelta et 3 victoires d'étape sur le Tour de France, donc c'est véritablement une belle année pour la France en cyclisme. Merci pour cette conclusion. On va passer à notre quiz, tout simplement. Sport and Chill, le quiz. Un quiz à ce qui sera seul contre tous, je ne sais pas. C'est peut-être la seule pression que je... Ouais. En général, il a un mental cracote. On va voir le mental. C'est vrai en plus. C'est un quiz qui est un peu moins long que d'habitude parce qu'on a tendance à rallonger les quiz dernièrement. J'ai tendance à rallonger les quiz dernièrement. Et qui est plutôt même facile sur certaines questions. Ah. On va commencer sur une question, on va dire, culture générale. Et on va faire un tour de table. Tout simplement, combien y a-t-il de GP pour cette année de 2018? Tour de table. 21. Tour de table. Ouais, que tu le dis. Donc peut-être pas démarrer par. J'avais dit tour de table, mais. 21, je commence 21. Ok. Bah, ouais, pareil. Ouais. 21. Eh ouais, le mental, en effet, il donne la réponse à ses adversaires. 21 Grand Prix, en effet, cette année pour ce championnat. Eh ben on a tous un point. Ah bravo. Ah. Vous êtes encore dedans. Et on l'a dit, si je gagne un point, je gagne le quiz. Hein. Tour de table toujours, t'as attention. Team, là, juste. Tour de table toujours. On n'y passe pas, ça réponse tout de suite. En comptant le pilote, quel est le poids minimum autorisé pour les F1 après l'introduction du halo? En kilo. Vas-y. En kilo. D'accord. Je commence. Tu peux commencer. Attention bien dans le micro. Alors. Est-ce que tu peux répondre? Alors, je pilote, crois que c'est... F1 plus l'introduction du Halo cette année. Pilote, je crois que on a le droit à combien jusqu'au maximum? Je crois que c'est 780 kg, je crois. 780 kg. Moi j'aurais dit 100 de moins. 680. 680. D'accord. 700. 700. 760. 760. 750. J'ai pas... Il a déjà bien aiguillé puisque c'était bien vers les 700. Ouais. Et c'est Romain qui est le plus proche avec 734 kilos. Tout mouillé pour cette nouvelle monoplace. C'est précis, hein, 734 kilos. Et ouais, bah. Ouais, c'est bon, c'est une norme quoi. Je suis sûr qu'il y a des graves en plus. Non, parce que c'est très important parce que cette année, je sais pas si tu me le confirmeras, Gasly a dû perdre, ou Ocon a dû perdre beaucoup de poids pour justement convenir à ces kilos là. Et c'est pas la monoplace qui doit changer, c'est la personne qui doit perdre du poids pour. L'écurie, non, je savais pas ça. Ah ouais. D'ailleurs, il n'y a pas un truc comme quoi les pilotes perdent 5 kilos pendant une course tellement ils transpirent. Si, mais ils perdent beaucoup. 5 kilos, c'est un peu extrême, mais oui, c'est plusieurs kilos. Ouais, 2-3 kilos au moins. Transpirent. Allez, 3 kilos. On continue. Qui a dit rapidité cette fois-ci? Qui a dit rapidité? Je sais pas. Qui a dit en septembre, attention, c'était il n'y a pas longtemps. La Formule 1 est devenue beaucoup trop prévisible. Qui va gagner la course le dimanche? La réponse va de soi, Hamilton ou Vettel. Prost. Qui d'autre sera sur le podium? Ils ne font pas aller non plus très loin pour savoir que ça sera Bottas ou Kimi. Jean, allez-y. C'est Rosberg. C'est Grosjean. C'est Grosjean, en effet, Romain Grosjean. Et qui sera derrière les Red Bull? Le top 6 est déjà connu avant même le départ du Grand Prix ne soit donné. Et c'est bien là tout le problème. La différence entre les trois équipes de pointe et nous est au minimum 2 secondes. Mais à la régulière, à voiture égale, est-ce que Lewis et Seb iraient 2 secondes plus vite que nous sur la piste? Je ne crois pas. On le saura jamais. En effet, pas pour Max. Allez, que suis-je? Que suis-je? Attention, vous n'avez le droit qu'à une réponse. Je répète, hein, une réponse seulement. Si vous avez tort, vous êtes éliminé. D'accord. Mais c'est une rapidité. Ah. Ah, d'accord. Donc, oui, bah oui, de toute façon, oui. Je suis un circuit de cette année en Formule 1. Qui est utilisé la première fois en 1921. Circuit Paul Ricard. Cependant, non, éliminé. Allez, rideau. Cependant, pas pour la Formule 1. Ça ne sera qu'en 1950 qu'il est intégré au championnat du monde de F1, soit dès sa création. Les championnats du monde de l'époque, Farina, Ascari, Fangio, Hill, y ont tous gagné. La piste est réputée comme dangereuse et cause la mort en 1960 de 2 pilotes. Monza? Non, éliminé. Il fallait tenter. Le circuit est donc supprimé du championnat du monde avant de revenir en 1983 et revoir des champions gagner sur le circuit comme un certain Michael Schumacher. En 1992, sa première victoire là-bas. C'est une course qui part et revient souvent au calendrier F1. Le Nürburgring. Ouais, le Nürburgring. J'hésitais avec Spa parce que ça le retrait m'a troublé. Vous dites tous les deux la même chose? Non, mais j'ai voulu le copier, je le regardais depuis tout à l'heure pour savoir ce qu'il allait dire. J'aurais dit un gobelin. Non. Éliminé. C'est le second grand. C'est la Spa alors. Oui, Spa for Coffee. Ah, Spa, c'est sûr. Et qui a vu cette année un accident spectaculaire au premier virage quand Hülkenberg percute Fernando Alonso, projeté au-dessus de la monoplace de Charles Leclerc. Mes virages sont les plus connus sont la source, premier virage en épingle, le Rédillon, ou encore le bus stop situé en Belgique. Je suis Spa Francorchamps. Je vais pas Non, Ah bah. Non, c'est mérité. Merci. Hein. La passe D. Ça commence à faire beaucoup de points, Paul. Hein. Pareil, une seule réponse. Mais à qui suis-je cette fois-ci? Je suis une. Bon, qui suis-je? Qui ou que, au final? Je suis une écurie à quasiment 700 GP disputés. Je totalise de nombreux titres constructeurs, 9 pour être exact. Et 2 de moins pour le titre pilote. McLaren. Éliminé. Avec 114 victoires, je suis une écurie importante de l'histoire de la F1. En effet, mes débuts furent en 1977 dans le GP d'Espagne. Williams. L'écurie Williams. Putain, j'ai failli la dire. Et je suis encore là cette année avec 2 pilotes, un Canadien et l'autre Russe. Ma maison mère est cependant en Grande-Bretagne, on en a parlé également, que c'était britannique, à Grove. Mon premier titre avec un pilote commençant en 1980 avec Alan Jones et terminé en 1997 avec Jack Villeneuve. On a pu voir dans notre team notamment Nelson Piquet, Keke Rosberg, Nigel Mansell ou encore Alain Prost. Je suis l'écurie Williams. Et merci. Rapidité, cette fois-ci vous avez toutes les réponses que vous voulez. Qui a dit en octobre point. Oh, ça va. C'est moche, c'est vraiment je suis obligé. Mais c'est ridicule. Mais oui, mais qui a dit en octobre? Qui a dit pas? Je savais qu'il y avait un truc. Le flair, c'est le flair. C'est le flair. Je suis obligé de lui l'accorder. Non, mais elle est belle, elle est belle. Désolé, les gars. Alors, franchement, je suis désolé. Il faut autoriser la liberté de choix total sur les pneumatiques, permettre ainsi à une écurie de tenter un coup de poker en misant sur une monte de gomme décalée. Ce règlement est absurde. Nos pilotes voulaient rouler. À l'expliquer au public, il vaut mieux partir 11e que 8e pour un Grand Prix. Il faut arrêter de poursuivre dans la voie actuelle. Alain Prost pour la Renault Team après la règle des pneumatiques. Bien joué, Paul. Il reste 1, 2, 3, 4 questions. J'arrive. Tour de table, combien de moteurs sont alloués aux pilotes cette année en F1 sur la grille 2018? Donc. Non, tu as pas commencé, j'aimerais bien parler en dernier. Tu as pas commencé parce que tu as déjà commencé tout à l'heure et Romain va commencer cette fois-ci. Combien de moteurs sont alloués aux pilotes cette année? Attends, mais en F1, mais on en a déjà parlé. Ça veut dire à l'année. À l'année. C'est-à-dire qu'on leur donne. Par écurie. Ils ont droit de casser d'accord. un certain nombre de moteurs. Par écurie. Non, par pilote. Ah, par pilote, d'accord. Sachant qu'il y a 21 Grands Prix. D'accord. Ça puisse être... Romain, n'essaye pas de chercher du temps, et c'est à toi. Franchement, c'est du hasard complet, j'allais dire 3, mais ça se trouvait beaucoup plus. 3. J'en sais rien, vraiment. 6. 6. Oh, j'ai cru dire un truc avec 3, mais j'en sais rien, je sais pas du tout. Attends. Team. Attends, 4. C'est par un truc. Par pilote, oui, 3 fois que je le dis. Oui, mais par course. Non, à l'année. 4 moteurs, mais c'est que dalle. Moi je vais dire 10. C'est quoi cette réponse? Je sais pas, je vais... Ouais, non, mais 4, j'aurais jamais dire ça. Moi je vais dire 3. En effet, c'est 3 par année. Ah, je crois que je dois dire moteur. J'ai fait un truc avec 3 moteurs. Au pilote. Ça, ouais. Max, donc, oui, c'est pas beaucoup. Hein. Moteurs, ah, j'ai bien fait de dire Wikipédia. Allez, rapidité, et on sait que ça peut aller rapidement sur cette question. Prost. Quel Grand Prix a disparu du calendrier par rapport à l'an dernier? Malaisie, ah, point. Ah putain, bien joué. Ah, ouais. Malaisie, point. Allez, il reste 2 questions. Max est à 5, Romain et Paul à 3 et Tim et Alex à 1 point. C'est pas la grimace, hein. Comme d'habitude, rapidité, je vous dis le chiffre 9. Et après, je vous donnerai de quelques... Mais sauf qu'on est limité quand on dit... Non, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Ah. Mais je vous dis le chiffre 9, après je vous donnerai quelques indices. Victoire de Lewis Hamilton, le nombre de victoires cette saison. Non. Non, il en a plus. Ouais. Non, il en a pas plus. Non. Il en a le premier indice, c'est d'affilée. Ah. 9 moteurs cassés d'affilée, bon... Cet indice, c'est où que... sur une saison, faire le nombre de Grand Prix... 9 abandons de Romain Grosjean. Non. C'est un record. T'es pas gentil. 9 podiums consécutifs de Hamilton. C'est pas par rapport à cette forcément à cette année, mais c'est par rapport au évidemment le prochain champion du monde. 9 participations d'affilée. C'est par rapport au prochain champion du monde qui est britannique en effet, Lewis Hamilton. Un autre indice, année 2007. 9 victoires consécutives. Le nombre de saisons consécutives à une victoire. Avec au moins une victoire. Non. Il y avait de l'idée. Et dernier indice. Sur les 9, il y a 2 victoires. Bah, c'était 9 courses d'affilée où il a fait podium ou victoire. Précisant. Attends. Ça fait 7 podiums et 2 victoires. Je l'ai pas du tout. Moi non plus. Mais quand? Moi non plus. L'année que tu as donnée. 2007, la saison 2007. Je peux pas accepter. Quelqu'un d'autre. Et c'est pas un record. Parce que je pense qu'il y en a qui ont dû le faire. Ah oui, ça c'est possible. Ça fait 9 ans. Gagne. Non. Ouais. Mais non, c'était sur En 2007, Lewis Hamilton a été le premier pilote à monter sur le podium lors de ses 9 premières courses de sa carrière, en Formule 1. Il a même remporté 2 victoires. Bon, c'est débile. Aucun autre record. Débutant n'avait réussi un tel exploit. Faire les 9 premières courses et faire 9 podiums, il fallait le faire. Ouais, c'est fort quand même. C'est ce que je voulais dire. Ouais, t'es pas en train de dire que ta question était débile. Ah oui, autant pour moi. C'était débile, c'est énorme. C'était une belle performance. Je peux pas te l'accorder parce que c'était le record, c'est justement c'est ses premières courses, c'est ça qui est exceptionnel. J'aurais au moins le mérite d'avoir compris à peu près de quoi on parle. Allez, dernier. Dernier point, enfin, je donne 2 points à la dernière question, et là c'est pareil, c'est une seule réponse. Ah. 22 ans. Qui suis-je? Né le 7 décembre 1984 dans un pays européen. Je suis un pilote qui devient le premier de mon pays à s'élancer dans un Grand Prix. Valtteri Bottas. Max Verstappen. Aucun des deux. Éliminé. Pour les deux. Il a laissé le suspense en plus. Vous avez regardé. J'ai commencé ma carrière dans les années 2000 avec des déceptions en Formule 3 notamment. Mais c'est en Formule 1 que je recommence en 2006 dans une écurie allemande. Même si j'aurais pu aller chez Renault, mais la concurrence y était trop dure. Ah oui. En 2007. Kubica. Robert Kubica. Ouais, qui vient de revenir. Ah, en, plus. En 2007, je fais un grave accident qui malheureusement se répétait en 2011 en WRC. C'est vrai. Dommage pour un pilote qui avait confirmé après 2008 chez BMW avant de partir justement chez Renault en 2010. En 2016, je reviens sur les circuits avant qu'en 2017, je revienne en Formule 1 dans les paddocks, mais en tant que troisième pilote de chez Williams. Je suis polonais, je suis Robert Kubica. J'ai oublié que la Pau était en Europe. Et donc, sans surprise. Victoire de Max, même si un peu plus de difficultés que cul, je le pensais. Donc félicitations pour cette victoire au quiz. Et nous, on passe à notre agenda. Est-ce que tu veux commencer, mon cher Romain, sur les autres sports? Qu'est-ce que j'avais noté sur les autres sports, en effet? Sur les autres sports, nous avons les suites et fins des Jeux Olympiques de la jeunesse. Je me suis permis de le mettre à cet endroit-là, mais je ne sais pas si tu détaillerais un. Oui, je détaillerai. Je te laisserai détailler, donc du coup, jusqu'au au 18 octobre. On a un GP des États-Unis à Austin le 20 et 21 octobre, donc le prochain GP de Formule 1 de la saison. Il en restera plus que 3 derrière. On a le GP du Japon à Motegi le 21 octobre en MotoGP. Ensuite, on a la Coupe du Monde de tennis de table. Je vous permets de vous le dire, je vous mets toujours un championnat du monde un peu insolite, vous avez eu d'une semaine sur l'autre, qui est à la Disney Events Arena. Déjà, j'ai découvert que ça pouvait s'appeler comme ça. Du 19 au 21 octobre, donc c'est c'est assez rare que ce soit en France, et il y aura les 20 meilleurs pongistes, pour les appeler comme les passionnés l'appellent, de la planète qui seront présents lors de cet événement. Et enfin, alors je ne suis pas allé chercher le détail, je vous laisserai le faire de vous-même, mais c'est la première journée de NBA côté basket. Ouais. Ah, c'est bon ça. La France. Avec la proie, mais donc dans l'agenda, la première journée de NBA qui s'approche lors de la prochaine lors de cette semaine. Enfin, dernier sport, j'ose dire autre sport, surtout vu l'importance de cette compétition, c'est la dernière course de la saison de cyclisme avec le Tour de Guangxi en Chine qui sera la deuxième édition et la dernière épreuve du calendrier World Tour de mardi à dimanche. Un tour qui fera la part belle aux sprinteurs avec la présence notamment d'Arnaud Démare côté français ou encore Dylan Groenewegen, Fabio Jakobsen et le champion d'Europe Matteo Trentin. Côté favori, où la victoire se jouera sans doute vendredi au sud de la Chine, à Nongla, près du Vietnam. Les têtes d'affiche sont Rigoberto Urán, Richie Porte, Fabio Aru, Philippe Gilbert, Gianni Moscone, entre autres. Ok, très bien. Sur le tennis, Le tennis, 3 ATP 250 cette semaine avec Stockholm, Moscou et Anvers. Anvers, où on va contre voir. Tous. Excellent. Non, elle est belle, elle est belle. Elle est bien, elle est bien. Anvers, on va apercevoir le retour de Joe Tsonga à la compétition, qui va affronter Guido Pelia en premier tour, pas forcément un cadeau. Lucas Pouille lui sera engagé à Stockholm, je fais un point sur les Français. Gilles Simon est également engagé contre Stakowski. J'ai un Verdasco et Bden pour les passionnés. Après, sachez que il y a un Ferro Niculescu demain à 10h, donc ne manquez pas. Ah oui, c'est bon. C'est Makarova Jabeur à Moscou, en tennis super, féminin. Super. Donc voilà. Du grand niveau. Du voilà, c'est du grand tennis. Moi je continue sur. Non, tu peux continuer justement sur le rugby. Est-ce que c'est la suite justement de la Champions Cup? Deuxième journée de Champions Cup la semaine prochaine. Et pour les clubs français, donc Castres reçoit Exeter. Le Loup se déplace chez les Saracens. Donc gros déplacement pour Lyon. Le Racing reçoit l'Ulster. Et Toulon se déplace à Édimbourg. Montpellier joue à Newcastle. Ce sera dimanche prochain, donc à 14h. Et enfin, l'un alléchant Toulouse-Leinster qui sera à 16h15, okay. Qui sera d'ailleurs à suivre sur France Télévisions. Voilà, promo. Petite promo pour France Télé. Est-ce que tu as du foot allemand ou pas du tout? J'en ai. 8e journée, je vais vous citer les matchs. On a parlé de la Bundesliga. Les matchs majeurs. On a un alléchant Wolfsburg-Bayern. Qui va valoir son petit pesant de cacahuètes, un Mönchengladbach Mayence, un Augsbourg qui fait un bon début de saison contre Leipzig qui est deuxième, Stuttgart Dortmund pour voir si le leader va garder sa première place, et le club de la Ruhr Schalke 04 qui va affronter le Werder Bremen pour peut-être décoller un petit peu de la zone de relégation. Et quant à moi, pour le reste du football, demain, il y aura donc évidemment France-Allemagne en Ligue des Nations. Ça un match très important. Semaine, hein. Ok, un match très important pour les Allemands, on rappelle. Sinon, en amical, on a un petit Brésil-Argentine. Amical. Oui, et un Belgique-Pays-Bas aussi qui est également amical. Okay. Mercredi, Ajax-Lyon en Ligue des Champions féminines, à noter. Jeudi, rien de spécial. Et vendredi, je suis désolé, je suis en train de regarder en même temps. En Ligue 1, il y a Lyon-Nîmes, pour ceux qui s'intéressent à l'Olympique Lyonnais, mais surtout à nos voisins Gardois. Et le samedi, qu'est-ce que je peux vous proposer? Chelsea-Manchester United, évidemment, le samedi à 13h30. C'est bon, ça. Après, rien de plus en première ligue non plus. C'est des petits matchs. Barcelone-Séville en Liga à 20h45, toujours le samedi. Sachant que Séville est leader, donc ça va être. Qui sont les deux équipes les plus attrayantes actuellement. Et le dimanche, on la rappellera tout à l'heure, évidemment, Montpellier-Bordeaux en Ligue 1. Mais sinon, pas de gros matchs pour l'instant, sauf évidemment à 20h30, le derby milanais entre l'Inter et l'AC Milan. À noter que le match du dimanche soir, ça sera entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille. Un petit Nice-Marseille quand même bien sympa quand même. C'est étonnant que Marseille soit programmé un dimanche soir quand même, non? Quand on est bon, on passe à l'antenne. Autant pour moi, je suis fautif sur la passation d'informations pour cet agenda football, mais juste je me permets d'être à peine plus précis sur la NBA et dire que pour les amateurs et qui sont en vacances au mois d'octobre comme moi, c'est dès cette nuit que démarre la saison de NBA. Ouais, fallait la placer, forcément. Avec deux matchs intéressants à suivre, 2h du matin, tranquillement, Boston Celtics, Philadelphie et le champion, Golden State, à 4h30 du matin, un horaire tout à fait adapté contre Oklahoma. Okay. Perdu deux fois en amical contre les Lakers. Bien vu. De un certain LeBron James qui sera à suivre cette saison. Les Jeux Olympiques de la jeunesse. Aujourd'hui, il y avait donc, mais surtout demain, il y a des grosses journées d'athlétisme. C'est en ce moment avec 30 médailles à aller chercher. 13 épreuves demain importantes. En basket, 3v3 chez les filles, les phases finales avec la France qui est toujours en lice. Donc à noter également. En canoë-kayak, à suivre demain les finales obstacles de canoë et de kayak aussi, hommes et femmes. Gymnastique aujourd'hui toujours, puisque ça continue aussi en soirée, ainsi que demain les finales de gym. En pentathlon, dernière finale demain avec déjà deux médailles d'argent à notre actif, on le rappelle. En tir à l'arc, finale demain et après-demain. En cyclisme, car là aussi on a justement deux finales mercredi, sans malheureusement aucune Française ni aucun Français. En karaté, 6 médailles à aller chercher mercredi et jeudi. Et enfin, finalement, en boxe, 13 médailles à aller prendre également ces mêmes jours, donc mercredi et jeudi, pour la fin des JOJ qui se terminent, on le rappelle, jeudi. En sport Montpellier-Rhin, on termine avec ça. Pour ceux qui veulent aller voir du sport Montpellier-Rhin ce week-end, le futsal reçoit Kingersheim samedi à 16h. Le MHFC féminin reçoit aussi Metz samedi à 14h30. Tout comme le MHFC qui reçoit Bordeaux dimanche à 15h. Le MHR se déplace au Newcastle Falcons, on l'a dit, dimanche à 14h. Le volley joue deux matchs cette semaine. Mardi à 20h, ils vont à Cannes et reçoivent Nice samedi à 20h. Le MRC reçoit Lons le dimanche, et le MHB, on l'a dit, Coupe du Monde des clubs, reçoit un club tunisien à Mamet le mardi 16 octobre à midi. Et peuvent continuer toute cette semaine s'ils vont plus loin. Et enfin, les Vipers se déplaceront à Neuilly-sur-Marne pour le compte de la 5e journée de hockey sur glace, de D1 de hockey sur glace, samedi à 18h30. Voilà, le pronostic de la semaine proposé par Tim, c'est France-Allemagne, c'est ça? Ouais, France-Allemagne, où on a, je pense que j'ai jamais vu la cote de la France aussi basse contre l'Allemagne. Les bookmakers nous mettent à 1,68. Le nul à 4 et la victoire de l'Allemagne, elle est à 4,45. J'attends votre pronostic, messieurs. Sachant que l'Allemagne n'est vraiment pas en forme. Quel est ton avis, toi, sur le coup, ton pronostiqueur aguerri? Moi, ce que je tenterai là, je tenterai buteur et France gagne. On joue à domicile, l'Allemagne va vraiment mal. Il est complètement essoufflé, l'ossature de Joachim Löw ne marche plus. Donc moi je tenterai Mbappé marque et la France gagne par exemple à 2,38. D'accord. Ah, sachant que Mbappé est on fire, je vois bien marquer. Est-ce que vous voulez changer et mettre que les buteurs pour ce pronostic? S'il n'y a pas de buteur, sans buteur. Attendez, Giroud par exemple, t'as Giroud, est-ce que j'ai demandé? Giroud il est plus haut, il est à. Je te dire ça, je crois qu'il a 2,55. Surtout au vu du dernier match. Moi, j'ai hésité avec Giroud. Est-ce qu'on peut faire donc les buteurs cette fois-ci? On n'est pas obligé d'avoir des buteurs. Hein. Ouais, Tim, est-ce que tu veux dire le. Oh, sinon, vous mettez. Ouais, moi, je veux te faire honneur, Tim, et je pariais Werner parce que je sais qu'il te ressemble énormément. Et du coup, je sais qu'il peut. Je pense que l'Allemagne va peut-être pas gagner, mais je les sens. Marqué, je les sens marqués et je sens faire quand même quelque chose, même s'ils vont mal, ça reste la Mannschaft. Donc je pense que je vais mettre un but de Werner. On dit un score ou pas? Enfin, on dit, non, juste, on le dit juste le buteur. Et si on n'a pas de buteur, pas de buteur. D'accord. Ça peut changer. Bon, c'est-à-dire pas de buteur. Genre, s'il y a pas de buteur, il y a 0-0. 0-0. Voilà. 0-0. Ouais, d'accord. Non. Bah, au buteur. Moi, je dis 2 Mbappé, Giroud. Buteur. Donc. Ouais, je dis ouais, Mbappé, Giroud, pareil. On va en dire qu'un du coup. Parce que pour qui les points. La grosse cote, Giroud. La Giroud. Bah, moi je reste sur Mbappé du coup. Mbappé, ok. Moi je vois bien Pogba. Oh là, t'es sur une grosse cote là. Ouais, là t'as 4 et quelques, je pense. Mais une grosse mine à 20 mètres là. Comme ça, pour un coup franc. Ouais, le Griezmann a loupé. Je peux dire Giroud aussi du coup? Oui, bien sûr. Je pense Giroud, ouais. Mais j'espère Giroud de tout cœur évidemment. Et Romain? Parce que c'est le sang. J'hésitais entre Giroud et Griezmann. Ouais, en tout cas, on te le souhaite. Dis-moi, allez, est-ce qu'il y a une bonne cote sur Griezmann? Il est 21h. Il y a Matuidi si tu veux. Il y a Matuidi si tu veux. Ouais, mais c'est que vous avez changé les plans là aussi. Prends l'équipe MB. J'aurais dit Giroud, mais je vais dire Griezmann parce que personne aussi l'a dit. Aussi perturbé que le coup de la semaine dernière. De 38 quand même. Non, tout va bien, tout va bien. Sereinement. Griezmann. Ok, Griezmann. Nickel. C'est pas celui en lequel je crois le plus, mais. Le Cadini. Bah, après Griezmann tire le penalty, donc. Donc par exemple. Avec Boateng, ça peut aider. Par exemple. Seul à mettre un Allemand du coup. Bon, très bien. Bah ouais, nous on est quand même un joueur différent. L'Allemagne marqué par exemple, mais tu me dis un buteur, je te dis Mbappé parce que je pense que c'est celui qui va le plus marquer. Allez, on va terminer là-dessus. Est-ce que tu as d'autres pronostics? Ouais, bon après les matchs sont assez délicats. Sur la Ligue des Nations. Sur Nicolas Schou, tu peux faire un petit pari. Je tenterai un combiné un peu. Sur la Ligue D, en Ligue des Nations. Ouais, je tenterai. Bon bah je mets Mbappé marque et la France gagne, c'est à 2,38. Finlande Grèce, ça pue le nul, ça je vous le dis. Non, attends, victoire de la Grèce, but de Mitroglou. Moi je mets nul, c'est en Finlande. Et après Espagne-Angleterre, je vois quand même l'Espagne battre l'Angleterre, moi. Désolé mon Flo. Bosnie-Herzégovine, Irlande du Nord. Bosnie, c'est plutôt en forme, je vois la Bosnie. Et ensuite, un match bien intéressant, Arménie-Macédoine. Macédoine, j'ai envie de les mettre. Ils sont en forme. En plus, vous connaissez pas mal de joueurs là-bas, je pense. Goran Pandev. Ouna, et ouais, voilà, je tenterai ça. Si on met 3 balles, on en gagne 120. On sait qu'il passera jamais, mais on a quand même envie de le poser. Skopje, équipe à suivre cette saison. Ok, merci. Non, mais la Macédoine gagnera. Okay. Ouais. On va pas parler de la Macédoine. C'est le pas Vardar, c'est pas le projet. Mais... C'est pas très beau. Goran Pandev, il a été dit. Oui, j'ai dit. Ah, tu l'as dit, ok, bien joué. Je vous remercie pour cette émission, pour ce beau débat d'ailleurs, soit dit en passant. Et on remercie aussi les auditeurs de nous avoir écoutés, nous avoir regardés évidemment. Cette année, ça change avec le direct live vidéo. Et on remercie évidemment la technique. Merci Arnaud pour cette nouvelle émission avec nous. Merci Arnaud. Nous, on terminera sur peut-être le dernier point cyclisme de l'année civile. Romain commence à pleurer déjà, je suis désolé Romain. Et c'est sur une belle victoire de, on en a parlé, Thibaut Pinot qui s'impose au Tour de Lombardie. L'ancien présentateur Kevin qui me dit anecdote que Espagne Angleterre pourrait le regarder sur TFX. Oui, effectivement. Pour les footings, d'ailleurs. C'est vrai. Allez, on termine là-dessus sur Thibaut Pinot et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de la diététique dans le sport. C'est quelque chose de très précis pour Sport & Chill la semaine prochaine en collaboration avec Burger King. Avec le crêpes, évidemment, comme toujours. On vous remercie à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Ouais, merci. Bravo, Thibaut. Au revoir. il y a eu cette victoire à Miller Turin et il y a cette joie à Jérémy Roy. Jérémy Roy qui était là effectivement sur le bord de la route. Énorme, énorme image. Incroyable cette image où il peut saluer ses équipiers qui attendaient justement ici la victoire de leur leader, celui pour qui ils ont tant donné au cours de ces dernières années. Je pense bien sûr là notamment à Jérémy Roy qui va mettre un point final à sa carrière et qui est venu en Italie exprès pour cela, alors que Thibaut Pinot peut savourer à 100 mètres de la ligne. Et bien cette fois, ça y est, magnifique le succès de Thibaut Pinot dans sa course préférée. Victoire du Français dans le Tour de Lombardie. Magnifique succès de Thibaut Pinot. Quelle abnégation. Sport and Chill, tous les lundis de 19 à 21h sur Radio Campus Montpellier.